l'équipe des Cafés Géographiques de Tours, je vous remercie d'être venus nombreux. Et nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Éric Plein, de géographe de l'Université de Tours, Catherine Bailage, et Philippe Pérol des studios. Avant que les étudiants, les doctorants ne fassent la présentation, quelques mots sur les prochaines activités de l'Université populaire de Tours. Tout d'abord, l'Université populaire de Tours anime un ciné-club au De Lyon, et c'est à l'amphi E. La prochaine projection aura lieu le 13 avril à 17h30. C'est une comédie musicale sénégalaise qui s'intitule « Un transport en commun » de Diana Gaye. Une merveille. De 2010. Donc venez, nombreux, et elle est présentée, et ensuite on a un petit débat, c'est toujours très sympathique. Ensuite, autre information, l'Université populaire de Tours engage un cycle de conférences sur le thème du bouc émissaire, et en particulier la figure de l'étranger et du migrant. Et dès le 16 juin, nous avons le plaisir d'inviter au centre de vie du Sanitas, donc qui se trouve juste en face de la patinoire. Donc nous invitons Michel Agier, qui est l'auteur de l'ouvrage « Un monde de camps ». Et là, il s'agit donc de tous ces camps qui sont maintenant faits de par le monde, camps de réfugiés politiques, climatiques, économiques. Et donc, le cycle se poursuivra à l'automne par d'autres conférences. Le 1er avril, nous avons, le 1er avril, c'est mercredi prochain, nous avons le prochain Café Géographique de Tours, qui est intitulé, peut-être vous l'avez déjà vu sur le programme, « Le devenir des cuisines régionales dans la mondialisation », donc la cuisine à la casserole. Et là, nous avons donc des participants. Alors, les participants sont une anthropologue, Isabelle Bianchi de l'Université de Tours, et Nicolas Raduché, qui est un doctorant en histoire. Petite précision, toutes nos activités sont gratuites et ouvertes à tous. Donc, si vous voulez soutenir l'Université populaire de Tours, vous pouvez adhérer, et l'adhésion est à 8 euros, le soutien c'est 15 euros, ou plus. Et sinon, si vous êtes intéressé par les petits comptes rendus que nous faisons de chaque café géo, donc pour nos cahiers géographiques, et également pour soutenir les étudiants qui achètent les petites boissons, etc., qui s'occupent de l'animation aussi, eh bien, le prix est libre, vous avez des petites cagnottes et vous mettez en partant comme vous voulez. Je précise que pour les verres, aujourd'hui on est un petit peu juste, donc vous gardez votre verre jusqu'à la fin de la soirée. Le compte, il y en a pour tout le monde, mais il faut garder son verre. Voilà. Bien, sans plus attendre, je laisse la parole aux deux doctorants. Benjamin Gaillon, doctorant en aménagement de l'espace et de l'urbanisme, et Natalia Puchinkina, doctorante en études cinématographiques. Et c'est eux qui vont assurer l'animation. Merci à vous tous. Merci Catherine. Et donc bienvenue à tous pour ce nouveau Café Géo qui sera aussi l'avant-dernier de cette saison, comme Catherine vient de vous le dire, avant le prochain de la semaine prochaine sur la cuisine et la mondialisation. Donc on est ravis de vous accueillir ce soir, un petit peu moins nombreux que la semaine dernière, mais quand même bien présents, donc merci. Pour vous le préciser, je rappelle que les Cafés Géo sont proposés par trois associations, donc l'Université populaire de Tours, avec Catherine qui vient de préciser un petit peu ses activités, mais aussi donc nos camarades de l'association des étudiants en géographie de l'Université de Tours, l'association Confluence, et également l'association de doctorants en sciences humaines et sociales de l'Université de Tours, qui fournit ce soir les deux animateurs, donc Natalia et moi-même. Alors, avant de lui laisser la parole pour introduire le débat de ce soir, je rappelle pour ceux qui sont peut-être pas familiers des Cafés Géo le fonctionnement de la soirée. Donc, ce soir, on aura 3 interventions qui dureront chacune environ une vingtaine de minutes, qui vont permettre de dresser un panorama du sujet qui sera abordé ce soir, mais aussi de fournir les premiers points de départ de l'échange qui aura lieu ensuite avec vous. Donc, je rappelle que c'est le but premier des Cafés Géo et donc vous êtes invités à réagir très librement après ces interventions. Alors ce soir particulièrement, je vais jouer le rôle du méchant maître du temps, puisque étant donné que vous êtes 3, on va essayer de bien maîtriser les durées. Voilà. Je rappelle évidemment que les débats ils ont vocation à être constructifs, mais aussi conviviaux. Et donc je vous signale la présence de nos camarades au fond de la salle qui vous proposeront de quoi grignoter, de quoi boire et éventuellement poursuivre les échanges. Tout ça jusqu'à 23h où la salle doit être libérée. Voilà. Donc je laisse tout de suite la parole à Natalia pour introduire le débat de ce soir. Merci Benjamin, merci à tous et à toutes d'être venus. Alors inventé en 1895 par les frères Lumière, le cinéma à ses débuts a été considéré plutôt comme divertissement, comme une nouvelle technologie amusante avant de s'affirmer en tant qu'un art. Et il est important de rappeler que c'est grâce à l'action des cinéphiles, des premiers critiques du cinéma, qui incitaient des spectateurs à siffler ou à encourager des films qu'ils aimaient ou qu'ils n'aimaient pas, que le cinéma s'affirme en tant qu'une expression artistique à part entière. Et c'est d'ailleurs aussi grâce à des mouvements des ciné-clubs, des cinéphiles, que les Français ont pu découvrir les cinématographies d'ailleurs, souvent boudées par les exploitants des grandes salles cinématographiques, comme par exemple le cinéma soviétique. Et donc, quand on dit expression artistique, on dit diversité. Il faut savoir qu'en France, on est plutôt privilégié en cette matière, et on est d'autant plus privilégié dans la diffusion des œuvres cinématographiques, avec les, comme je viens de dire, avec les ciné-clubs, donc on s'est déclenché dans l'entre-deux-guerres, ou maintenant avec les cinémas labellisés art et essai, dont la part essentielle de la programmation est assurée par les œuvres d'art des auteurs indépendants, des œuvres d'art de qualité, du cinéma d'auteur. Mais le cinéma est devenu également une industrie, donc une économie et un secteur économique important. En l'an 2000, selon les chiffres du Centre national de la cinématographie, les multiplex, donc les grandes salles du cinéma, représentaient 3,9% des cinémas et 34% environ des entrées. Et en 2012, selon les chiffres du CNC, il y avait déjà 181 multiplex en activité, donc 8,4% de tous les cinémas et 60% des entrées. Aussi bien qu'un grand ville et un périphérique. Donc ça veut dire que c'est presque le double. Et forcément, face à ces mastodontes de grands groupes commerciaux, que les salles indépendantes ont de plus en plus du mal à tenir le coup, et ce malgré les aides financières que les sont accordées par l'État. Et le pari est d'autant plus difficile à relever que maintenant les multiplex commencent à rentrer en concurrence directe avec les salles indépendantes quant à la programmation des films dits d'auteur. Les multiplex diffusent les films d'art et d'essai dès lors qu'ils les considèrent comme intéressants pour le grand public. Par exemple, les films primés à des grands festivals, comme au Festival de Cannes, par exemple. Certes, grâce à cette nouvelle politique de programmation menée par les multiplex, le public a un accès plus large à ces films, mais cela menace éventuellement la survie des petites salles, des salles indépendantes, dont l'économie est souvent fondée sur l'exclusivité des œuvres diffusées. Alors les multiplex, vont-ils finir par tuer les cinémas d'art et d'essai ? Non. Alors c'est un débat qui est loin d'être clos. Et afin qu'on puisse avoir toutes les cartes en main aujourd'hui sur ce sujet qui nous touche tous en tant que citoyens, 3 interventions nous seront proposées. Alors dans un premier temps, on commence avec l'intervention d'Éric Blanc, maître de conférence en géographie à l'université François Rabelais de Tours, qui s'est penché notamment sur la question de la place des cinémas dans l'espace urbain et qui nous présentera l'évolution des relations entre le cinéma et la ville. Dans un deuxième temps, nous écouterons Catherine Beillache, dont le parcours professionnel est étroitement lié avec le cinéma indépendant et qui maintenant assure la coordination de l'association COR. Donc c'est une association interrégionale des cinémas de l'Ouest pour la recherche, qui regroupe une trentaine de structures tournées vers la défense de l'art et essai et de la recherche dans la matière du cinéma. Catherine nous présentera son étude comparative sur les effets des implantations des multiplexes à des villes comme Rouen, Angers et Tours. Et enfin, nous avons également l'honneur d'accueillir aujourd'hui Philippe Perrol, qui est président de l'association Technique Éducation Culture, président des cinémas studios. Donc c'est un cinéma qu'on connaît tous et qui est bien connu même au-delà de Tours, de la région centre, puisque c'est le plus important cinéma indépendant en France et qui assure depuis plus de 50 ans une programmation très riche et très variée, des films de tous les genres et même avant tout des films d'auteur. Je laisse la parole aux intervenants, je pense. Très bien, bonsoir à tous. Alors j'avais travaillé sur le phénomène des multiplex il y a quelques années, vous m'entendez tous, oui. Alors ce qui m'avait intéressé, c'était les grandes villes. En effet, les cinémas étaient en majorité implantés dans les centres-villes et les multiplex, en s'implantant en périphérie, menaçaient les centres-villes. Et moi, c'est ce qui m'avait intéressé en tant que géographe. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire un bilan du développement des multiplex, un petit peu les enjeux, ce qui a gagné, ce qui a perdu, tout ceci à travers évidemment le regard d'un géographe. Je ne suis qu'un géographe. Alors, pour commencer, peut-être dire que donc, le mouvement des multiplex a 20 ans. Chaque année, une dizaine de multiplex ouvrent leurs portes, ce qui porte donc à plus de 190 le nombre de multiplex qui existent aujourd'hui. Il y en avait précisément 188 fin 2013. Alors, il n'existe pas de définition officielle, juridique d'un multiplex. Le CNC regroupe sous l'appellation multiplex tous les cinémas d'au moins 8 salles. C'est donc la taille qui caractérise ces cinémas. C'est d'ailleurs ce qui les avait différenciés des cinémas d'autrefois, un très grand nombre de salles. C'est en moyenne à l'échelle de la France 11 à 12. Ce qui les avait également différenciés des cinémas d'autrefois, c'était leur modernité. Le confort de la salle, la qualité du son, la qualité de l'image. Et puis troisièmement, je dirais, la présence d'un vaste hall équipé de différents services, vous le savez, alors des comptoirs de confiserie, des jeux, un bar, une cafétéria, un coin lecture, un coin exposition, que sais-je encore, une garderie. Alors, les multiplex se sont d'abord installés dans les plus grandes villes. En 2005, toutes les villes de plus de 200 000 habitants étaient équipées. En 2006, toutes les villes de plus de 100 000 habitants étaient équipées. Et aujourd'hui, la tendance, elle est double. D'une part, s'installer dans des villes de moins de 100 000 habitants. C'est ainsi, par exemple, que récemment, en 2013, des multiplex sont de jour à Rodez, à Albi, à Mâcon, à Agen. Et puis, ce qui fait que, actuellement, les deux tiers des villes de 50 à 100 000 habitants sont équipées. Il en reste une vingtaine encore inéquipées, et il y a même une dizaine de cinémas de moins de 50 000, d'unités urbaines, de moins de 50 000 habitants qui sont équipés. Et puis la deuxième tendance, et bien évidemment, c'est s'installer dans des villes déjà équipées, où il y aurait une demande potentielle. C'est le cas de Tours. Alors juste un petit rappel, on a parfois l'impression que les cinémas en périphérie, c'est une nouveauté. C'est quand même oublié que dans les années 50, les cinémas étaient présents partout dans la ville. Donc je vais faire juste un petit rappel historique, mais qui me paraît quand même nécessaire. On sait tous que les cinémas sont nés en centre-ville au début du XXe siècle, qu'ils se sont diffusés d'abord lentement, puis très rapidement à la périphérie. De telle sorte que, à la fin des années 50, on comptait plus de cinémas en périphérie qu'en centre-ville. À Tours, par exemple, en 1962, il y avait 8 cinémas de centre-ville pour 12 cinémas de périphérie, cinémas de quartier. D'accord ? Alors il y avait quand même une dichotomie. Les salles du centre-ville étaient plus grandes, plus confortables. Elles offraient plus de séances, surtout des films en exclusivité. Et puis, à la fin des années 50, avec le développement des loisirs, de la télévision, etc., on assiste à une chute vertigineuse de la fréquentation qui va entraîner une rétraction phénoménale des salles. Ce sont les salles de quartier qui sont effectivement les moins attractives qui vont fermer les unes après les autres. Alors, les exploitants du centre-ville, qui eux aussi sont menacés, vont décider de scinder leur cinéma en plusieurs salles. D'accord ? L'objectif, c'est d'accroître le nombre de films par établissement. Alors, cette stratégie, dite, on va dire, multisalle, va certes, on le voit, limiter, freiner la chute de la fréquentation, mais elle va accentuer le mouvement centripète. En effet, les dernières salles de quartier continuent de fermer, et puis les unisalles du centre-ville, qui n'ont pas les moyens de se transformer en multisalles, ferment à leur tour. Et cela n'empêche pas, on va dire, 10 ans plus tard, la fréquentation de rechuter de plus belle. De telle sorte qu'on se retrouve, si je prends l'exemple de Tours, en 1995, avant que n'ouvre le premier multiplex à Tours, avec 4 cinémas multisalles, le Rex, le Caméo, l'Olympia et les studios. Les multiplex marquent donc, d'une certaine manière, enfin les multiplex, j'allais dire, qui sont considérés donc la troisième génération de cinéma, après les unisalles, après les multisalles. Et ces cinémas, ces multiplex, ils marquent donc, je disais, d'une certaine manière, le retour des cinémas en périphérie, si ce n'est que cette fois-ci, on a affaire à un équipement d'agglomération et non plus du tout à un équipement de quartier. Alors, les multiplex sont donc allés s'installer, enfin, prendre partie en périphérie. En cela, je dirais qu'ils n'ont fait que suivre l'évolution urbaine, l'étalement urbain, l'adaptation à la mobilité généralisée. À la limite, les multisalles, elles avaient raté complètement l'évolution de la ville dans les années 80. D'accord. Toutefois, et puis bon, on est d'accord, la périphérie, elle offre des terrains vastes, pas chers, etc. D'accord. Toutefois, je veux dire, il faut quand même relativiser cette image des multiplex situés en périphérie et de surcroît sur une zone commerciale. Les multiplex, ça marche pas. Oui, voilà. Les multiplex situés en périphérie, sur une commune périphérique, ne représentent même pas 40% des multiplex. Il y en a davantage installés dans les centres-villes. 45% sont implantés des centres-villes et 17% sont installés sur la commune centre, mais aux abords, dans un secteur qu'on pourrait dire donc péricentral. Alors, c'est en général souvent la ténacité des maires qui explique ces implantations en centre-ville. Un seul exemple, à Orléans, Jean-Pierre Sueur, l'ancien maire, avait bataillé pour que le premier multiplex soit implanté en centre-ville, notamment lié à l'aménagement du quartier de la Charpenterie, etc. Ce centre-ville, il est d'autant moins abandonné qu'aujourd'hui, la préférence, la tendance est plutôt pour des installations en centre-ville. Pendant les 10 premières années du mouvement, donc entre 1993 et 2003, c'était environ un tiers des multiplex qui étaient installés en centre-ville. Depuis 2004, c'est plus de la moitié des multiplex qui sont implantés en centre-ville. Alors, à Tours, il y a donc 2 multiplex. L'un est en centre-ville, le méga CG, enfin de la gare, le multiplex de la gare. L'autre est dans un quartier, alors considéré par les géographes comme dans un secteur péricentral. C'est un péricentral un peu éloigné quand même, il faut le reconnaître. Donc, un troisième multiplex est donc prévu à Tourneur. Alors, le choix de Tourneur pour implanter un multiplex est évident. Déjà en 1995, c'était pas au De Lyon, mais c'était à Tourneur que CGR voulait implanter son multiplex. Le choix du site est évident, hein, près de la zone commerciale d'Auchan, accessibilité, on va dire, maximale. Et c'était Jean Germain qui avait plus ou moins contraint Georges Raymond, le CGR, à venir s'implanter au De Lyon. Le maire qui venait d'être élu se faisait fort de transformer le technopôle raté de Jean Royer en un quartier mixte dynamique. Ça, comme ça. Il est arrivé ou pas ? Si, parce que... Il est arrivé ou pas ? Oui, si. Ouais. Alors, il est évident que dès lors qu'aujourd'hui il existe une implantation au sud, enfin un multiplex au sud, un multiplex au nord peut paraître, somme toute, assez logique. D'ailleurs, dans un certain nombre de villes, on a cette situation... C'est logique, de multiplex installés de part et d'autre de la commune centre, c'est le cas à Toulouse, à Nantes, à Lille, ou encore à Poitiers. Alors, Le nord de Tours représente un secteur peuplé. Je n'ai pas représenté l'aire d'attraction du multiplex. Hein. C'est juste pour situer ici, que la, pour indiquer que la population communale de Tourneur représente 36, enfin, un peu moins de 40, abrite un peu moins de 40 000 habitants et que dans un rayon de 10 km, ce sont près de 90 000 habitants qui vivent au nord de la Loire. Ce qui est certain, c'est que Tours, en gros, va passer d'une ville plutôt peu équipée à une ville plutôt bien équipée. Si on regarde le taux d'équipement, c'est-à-dire le nombre d'habitants par fauteuil, en gros, il va passer de 58 à 44, sachant que la moyenne pour les villes de 100 000 habitants, c'est 50. Donc, en gros, il va passer d'une catégorie à l'autre. Alors, peut-être avant de voir la façon dont les multiplexes peuvent bouleverser l'offre cinématographique, j'aimerais quand même préciser qu'ils sont utilisés comme, donc, comme instrument d'aménagement du territoire. En effet, de par leur taille, les multiplexes ont des effets importants, à la fois matériels et immatériels. D'une part, ils jouent un rôle d'animation énorme, vu le volume des spectateurs, et d'autre part, ils sont également vecteurs d'image. Le secteur dans lequel ils s'implantent va hériter d'une image de loisir, de distraction, mais aussi de modernité, de dynamisme. De telle sorte que les élus, conscients du rôle que peuvent jouer ces cinémas géants, eh bien vont inciter les exploitants à venir s'installer dans un quartier afin de requalifier, je vais employer le terme de géographie, de requalifier, de redynamiser, de restructurer certains quartiers. Sur les 188 multiplexes qui existent, enfin qui existaient en fin 2013, il y en a 74, ça veut dire en gros 40%, qui ont été associés à un projet d'aménagement. Ça veut dire que, en gros, alors que jusqu'à présent, les cinémas ne faisaient que suivre l'urbanisation, pour la première fois, les cinémas sont utilisés comme un instrument de la politique urbaine. Alors, sur ces 74 cinémas, le plus souvent, on va dire, les multiplexes sont associés à des projets d'extension de l'hypercentre. C'est que les centres-villes, face au développement des agglomérations, les centres-villes cherchent à se renforcer et notamment à s'étendre un petit peu. Et de ce fait, finalement, le multiplex est un des instruments, un des équipements qui peut permettre d'étendre, d'agrandir un petit peu le centre-ville pour le renforcer. C'est ce qui s'est passé à Rouen, c'est ce qui se passe au Havre, à Strasbourg, enfin, on pourrait plus citer à Angers, à la limite, etc. J'avais dû mettre ici deux photos, enfin deux petites cartes, à Dunkerque, où la municipalité avait récupéré des friches portuaires, et finalement, elle avait créé, enfin, elle avait mis en place un certain nombre des commerces, des logements, des bureaux, il y avait des équipements universitaires et un multiplex pour la partie loisirs afin finalement d'étendre, de renforcer ce centre-ville. À la limite, le multiplex de la gare à Tours pourrait être associé à ce type d'aménagement. On sait que le quartier de la gare avait été aménagé dans les années 90 du fait de l'arrivée du tramway, du TGV à Tours. Il n'en est pas moins vrai qu'à l'occasion, on avait créé un certain nombre d'équipements, dont le multiplex, qui avait été un élément important pour étendre finalement le centre-ville en direction du Sanitas. Et le multiplex joue un rôle important en cela. C'est le centre-ville qui s'étend un petit peu ici vers le sud. Un deuxième type d'aménagement, plus rare celui-ci, c'est des multiplex qui ont été utilisés pour créer un centre-ville, un des équipements, c'est pas tout seul bien sûr, pour créer un centre-ville dans des communes de banlieue qui n'avaient pas de centre-ville. C'est le cas de Talence ici, où un certain nombre d'équipements, il y avait un centre culturel, il y avait plusieurs choses, donc plusieurs équipements, ce qui a permis à la municipalité de créer un véritable centre, alors qu'il n'y en avait pas, on est dans la périphérie de Bordeaux. Autre cas d'aménagement, les multiplexes qui peuvent être associés à la création de polarités de loisirs, de centralités de loisirs. Ici, vous avez l'exemple de Montpellier, où l'ancien maire, Georges Frêche, avait souhaité créer un véritable pôle de loisirs, vous voyez, patinoire, bowling, planétarium, aquarium, etc., et multiplex. On n'est pas très loin du centre-ville. L'aménagement est plus vaste, c'est tout un secteur qui s'appelle Port Marianne, mais voilà, on a créé un multiplex polarité de loisirs. Et puis, dernier cas, des multiplex qui peuvent être associés à la création de quartiers mixtes qui se veulent dynamiques, type les minimes à La Rochelle, l'amphithéâtre à Metz, ou encore donc les deux lions à Tours. Donc on a un quartier ici, donc qui se veut mixte, avec du logement, des équipements universitaires supérieurs, commerce, bureaux, entreprises et loisirs. Et le multiplex représente de ce fait une opportunité pour introduire la dimension loisir dans ce type de quartier qui se veut dynamique. Alors, on comprend finalement que les multiplex, puisqu'ils sont devenus des outils, sont largement exploités dans les discours politiques. J'allais dire, voire dans les publicités. Souvenez-vous peut-être de cette affiche qui présentait les mérites du méga CGR comme un moteur d'agrément du quartier des Deux Lions. On va dire ça comme ça. Ici, la vie est belle à tout point de vue. Alors, dans un tiers des cas, les multiplex sont installés sur des zones commerciales. Alors, on peut certes regretter l'installation d'un multiplex sur une zone commerciale. Je dirais quand même que on ne cesse de critiquer la physionomie, la monoactivité de ces zones. Et bien, si les multiplex peuvent être un des éléments du changement identitaire de ces zones, et bien, pourquoi pas, après tout, ça peut peut-être se discuter. D'accord ? J'avais fait des études, enfin il y en avait d'autres qui corroboraient ça, qui montraient la complémentarité des pratiques entre multiplex et centre commercial. À la limite, si on voulait, on pourrait dire les multiplex véritablement critiquables d'un point de vue urbanistique sont ceux qui vont s'installer, et il y en a, au milieu de nulle part, ou au simple bord d'une rocade, ou près d'un échangeur, ou n'importe quoi, à la seule recherche de l'accessibilité. Cela, il ne sert à rien, enfin rien, urbanistiquement parlant. Il y en a une dizaine. À Poitiers, par exemple. Ah bah, Poitiers, oui. Alors, à Tourneur. Un petit zoom sur Tourneur. Donc, le multiplex, il est donc associé à une opération d'urbanisme, puisqu'on va retrouver à côté du cinéma, il y aura quelques logements, quelques bureaux, il y aura quoi, un petit pôle médical, une crèche, il y a un hôtel, je crois, deux crèches, deux restaurants, et je ne sais plus ce qu'il y a, un petit truc. En tout cas, on ne peut pas véritablement parler d'un projet d'aménagement. Le multiplex, on voit ici la zone, vient avant tout rechercher la proximité de la zone commerciale de Auchan, ici en rouge sur la photo, et l'accessibilité aussi, accessibilité routière et accessibilité du tramway, puisqu'il se trouve sur le terminus du tramway. Alors, il n'en est pas moins vrai que ce multiplex va donc, je veux dire, contribuer à renforcer la centralité de cette zone, qui va se retrouver de ce fait un peu plus diversifiée, un peu plus attractive qu'elle ne l'est actuellement. Et puis, plus largement, ces mêmes Tourneurs, qui, pour l'urbaniste qu'est Serge Thibault, est devenue une quasi-ville, qui va se trouver valorisée. Je vous laisserai parler du contre-projet. Hein, ça. Ouais, c'est... ça marche plus, ça ? Bon, ça marche plus. On va faire ça comme ça. Alors, pour terminer, parce que si le temps m'est compté, dans le maître du temps... J'aimerais donc juste dire quelques mots sur les bouleversements que peuvent provoquer les multiplex par rapport à l'offre cinématographique, et ils bouleversent. Alors peut-être deux remarques préliminaires. La première, c'est que, on va dire que toute création de multiplex génère une nouvelle demande. C'est-à-dire qu'en gros, quand on crée un multiplex, ça attire un nouveau public qui n'allait pas au cinéma, et ça rend régulier des spectateurs occasionnels. À Tours, par exemple, après la création des deux multiplex, la fréquentation était passée de 1 million à 1,5 million. À Montpellier, après la création des deux multiplex aussi, était passée de 1,6 million à 2,5 million. Donc la fréquentation augmente. Deuxième remarque. Je disais tout à l'heure que le nombre de fauteuils allait augmenter à Tours. Est-ce que la fréquentation va quand même pouvoir augmenter au regard de la population, puisqu'on va se retrouver en gros avec 8000 fauteuils, quand il y aura le nouveau multiplex, pour une population unité urbaine de 345 000 habitants. Alors, quand on regarde ce graphique, on peut voir que, par exemple, je me rapproche, des villes comme Montpellier ou Rennes, qui ont un nombre de fauteuils plus important qu'à Tours, 9000, 9500, alors qu'elles ont des populations à peu près comparables en unité urbaine, ont vu leur fréquentation largement augmenter. On peut donc se dire, on peut donc espérer d'une certaine manière, que la fréquentation à Tours, on peut penser que la fréquentation à Tours va donc augmenter. Mais ce n'est pas parce qu'elle augmente que cela ne va pas forcément se faire aux dépens des cinémas existants, ou en partie aux dépens des cinémas existants. Donc, comment les multiplexes se bouleversent? Alors, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait dans d'autres villes. Je pense que Catherine Bayache et puis Philippe Perrol diront aussi d'autres choses là-dessus. Donc, moi, quelques remarques en tant que géographe. Peut-être, la première chose, c'est, bon, j'ai pu regarder un certain nombre de villes. Quand un multiplex arrive, il y a généralement des fermetures. Il y a toujours des fermetures. Alors, d'une part, il y a quand même parfois un assez grand nombre de, ce que je pourrais appeler, entre guillemets, des fausses fermetures. C'est-à-dire que le créateur d'un multiplex est généralement un exploitant local. Soit un indépendant, soit un grand circuit, mais c'est généralement un exploitant local qui va fermer son ou ses cinémas existants. C'est ce qui s'est passé à Tours. À la limite, quand CGR a créé le méga CGR au Deux Lions, il a fermé l'Olympia, même un mois avant, et le Rex un petit peu après. Lorsque Pathé Caméo, etc., enfin, Pathé a installé son multiplex à la gare, il a fermé le Pathé Caméo. À la limite, ces fermetures, elles peuvent être vues comme de simples déplacements, déménagements, des relocalisations. Ah oui, c'était pour dire que finalement, les nouveaux cinémas, évidemment, vont représenter une fréquentation plus importante que les anciens. Si on prend par exemple juste le méga CGR des Deux Lions, la fréquentation du méga CGR des Deux Lions représente le double de la fréquentation des deux anciens cinémas existants de CGR. Donc, il n'y a pas à dire, la fréquentation explose un petit peu. Donc, je dirais, des fausses fermetures d'une part. Mais il y a aussi des vraies fermetures. Il y a effectivement un certain nombre de cinémas qui ne peuvent pas résister, enfin, qui essayent peut-être, mais qui voient leur fréquentation baisser et qui sont obligés de tirer le rideau. Alors, il n'y a peut-être pas de cas à Tours proprement dit, mais on pourrait citer un grand nombre de cinémas en France. Je ne sais pas, je pense comme ça, mettons, à l'Ariel qui vient de fermer à Toulon. Je dis si Toulon parce que c'est la première ville à accueillir un multiplex. On pourrait citer le Dragon à La Rochelle, même s'il a réouvert par la suite. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de cinémas qui ont fermé. Il ne faut pas se tourner quand même. Dit autrement, j'aimerais dire, qui résiste au multiplex? Ben, y a peut-être deux façons de résister. Ceux qui résistent, c'est ceux qui s'agrandissent, qui se rénovent, voire qui ont les moyens de se transformer eux aussi en multiplex. C'était le cas par exemple du cinéma Saint-Sever à Rouen, c'était le cas de l'Olympia l'Olympia à Dijon. Donc ça serait une façon, s'agrandir, se rénover. L'autre façon de résister au multiplex, ça serait de se reconvertir en cinéma d'arrêt-essai. Il y en a un certain nombre qui vont sur ce créneau, comme l'Olympia, l'Olympia de La Rochelle, ou à limite comme les ambassadeurs romans, qui après avoir fermé, a réouvert sous forme d'un cinéma arrêt-essai. Alors, les cinémas d'arrêt-essai, je vais marcher avec prudence dans ce que je dis, parce que j'ai des spécialistes qui sont là, je vais vous donner ma version. Donc, les cinémas d'arrêt-essai, j'ai envie de dire, pour moi, ont un public différent des multiplexes. Donc, conclusion, pour eux, ça va un peu mieux, mais je dirais quand même qu'ils ont quand même de fortes raisons de s'inquiéter. Peut-être pour trois raisons. La première, effectivement, ce qui a été signalé en introduction, c'est-à-dire qu'un grand nombre de cinémas, enfin de multiplexes, leur prennent leurs films, Arrêt-essai, Porteur, les films d'auteur, etc. Ça serait une première raison, peut-être. La deuxième raison, c'est peut-être que finalement, je ne sais plus comment j'ai dit ça. Mais que l'accès aux copies deviendrait pour moi de plus en plus difficile dès lors qu'il y a de plus en plus de cinéma. Et puis la troisième raison, effectivement, ça veut dire que certains multiplexes pourraient se reconvertir en arrêt-essai. Donc là, ça deviendrait un petit peu évidemment catastrophique. Et donc, en ayant regardé quelques villes, j'ai pu constater que lorsqu'un cinéma se reconvertit en cinéma d'arrêt-essai, afin de lutter contre finalement le multiplex qui est sur place, et qu'il existe déjà un cinéma arrêté sur place, il y a toujours un mort. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ainsi que sont morts le Melville à Rouen, le Cinépoche au Mans, etc. Il y a toujours un mort. En revanche, lorsqu'un un cinéma d'arrêt d'essai est seul, malgré la présence d'arrêt d'essai, eh ben, je dirais qu'il s'en sort pas trop assez bien, d'une certaine manière. Ça serait le cas, finalement, on pourrait presque dire, pour moi, finalement, d'une certaine manière, des studios à Tours, des 400 coups à Angers. Et quand je regarde la fréquentation des studios à Tours, pour moi, ça marche pas trop mal, je vais dire ça autrement. Je vais dire que les studios, les 400 coups, le Diagonal Montpellier ou le Café des Images à Caen, je dirais qu'ils s'en sortent pas trop mal, mais je dirais qu'ils doivent se battre en permanence. Je pense que ça doit être toujours se battre, négocier auprès des exploitants de multiplex pour pas qu'ils leur prennent leur film à essai, peut-être convaincre des distributeurs qu'un film peut faire plus d'entrées chez eux que dans un multiplex. C'est pas le cas. C'est pas bon ça. Ah, pour ça c'est pas bon. Ah d'accord. Ah bah vous me direz. Très bien. Ah très bien, super. Super, c'est. Bien sûr. Ah bon, bah très bien, ça m'arrange. Ah oui, ça très bien, super. Ah, très bien, très bien. C'est intéressant. Oui. En tout cas, c'est la vision que moi j'avais. Parce que c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Parce qu'en fait, on semble bien vous observer les choses. Oui. Il y a des tas de choses dans ce que vous venez de dire, d'un point de vue géographique, qui sont. Parce que moi, je ne suis pas géographe, mais j'observe aussi les mouvements de ça. Je recoupe des choses et m'apprenez des choses. Et puis, on voit bien, vous essayez de faire coller un raisonnement. Et là, ah oui, on va faire partir. Oui, très bien, très bien. Ça m'arrange. Hein. Ça me fait bien. À la limite, je pourrais essayer pour vous laisser la parole, ouais. Comment moi je peux essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer à Tours, par exemple. Ouais. Vous me direz ce que vous en pensez après, ça me déplaît pas. Alors, imagine, enfin, moi je pourrais essayer d'imaginer. Le méga CGR des deux Lyons, lui va voir sans doute sa fréquentation baisser, mais a priori il va s'en sortir. Il a toute la banlieue sud pour lui, ça devrait être bon. C'est le CGR de la ville, enfin du centre-ville, donc c'est pas qu'il me tracasse le plus, mais enfin je veux dire. Pour moi, vu de l'extérieur, je veux dire, il a peut-être deux solutions. Soit il joue la carte de l'offensive. Ce que j'appelle la carte d'offensive, ça serait, je ne sais pas, il essaye de devenir un cinéma. Actuellement, il n'est pas du tout attrayant, ce multiplex. Il faudrait qu'il joue peut-être la carte du luxe, qu'il fasse quelque chose, etc. Que ça soit le grand cinéma généraliste du centre-ville. C'est ça que j'appelle l'offensive. Et là, il a une façon de s'en sortir. La deuxième solution, c'est ce que j'appellerais la défensive. Et là, ça serait empiéter sur l'art essai. Et empiéter sur leur essai. Alors évidemment, là, il va avoir la confrontation frontale, on va dire, avec les studios, qui, avec leurs 50 années d'expérience, j'espère, ne vont en faire qu'une bouchée. Néanmoins, ça ferait quand même des dégâts sur Tours. Donc voilà, je ne sais pas trop, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, oui, je le fais déjà. Quoi qu'il en soit, alors, les studios, de leur côté, j'ai vu mon regard de géographe, donc, indépendamment de cette reconversion possible du CGR du centre-ville, vont quand même toujours avoir... devront toujours s'inquiéter du cinéma, du nouveau cinéma, du nouveau multiplex, parce que cette histoire, voilà, pour moi, c'était il leur prend leur film porteur. C'était ça l'argument essentiel. Donc, faut surtout se battre. Et le nouvel exploitant, je ne sais pas, on en parlera sans doute dans l'exposé qui suit, n'est pas réputé pour avoir la culture du compromis. On va dire ça comme ça, en restant connu. Mais je voulais vous laisser la parole, puisque je ne sais pas si je suis à peu près dans les temps. C'est bon, très bien. Je vous laisse poursuivre, ça sera peut-être plus stylé. Merci. Je vais enchaîner sur ce qu'il a dit d'emblée parce que. Vous m'entendez là, ça va? Je peux l'entendre. Non? Il faut que ce soit plus près, comme ça? Là, c'est bon. Alors, à Caen déjà. Vous avez cité quelques villes, donc je vais enchaîner là-dessus. À Caen, ils touchent beaucoup, beaucoup de subventions. Ils se battent, ils sont quand même obligés de se battre, mais ils sont dans un cas de figure qui n'a rien à voir avec Tours. Tours ne touche pas de subventions de fonctionnement. C'est très important de le dire parce que du coup, même si c'est une salle associative, le mot associatif, il est souvent dans beaucoup de têtes, et pas seulement le grand public, mais aussi les professionnels. Il signifie, aux yeux de tous, que ça signifie forcément qu'il y a des élus qui viennent combler des trous. Et qu'au fond, finalement, s'il y a un trou, c'est pas si grave. Voilà. À Tours, c'est pas comme ça. Hein. Il n'y a pas de subvention de fonctionnement. Il y a des subventions ponctuelles sur des semaines spécialisées, désir-désir, choses comme ça, mais qui font que si demain cette subvention s'arrête, la salle continue. Sa vie, son équilibre financier ne repose pas sur les subventions qui lui sont allouées et qui sont ponctuelles. Donc on ne peut pas traiter Caen et Hérouville du tout, et ce n'est pas le sujet du coup, on ne peut pas les traiter du tout dans la comparaison, ils ne peuvent pas être comparables pour les raisons qu'on vient de dire. Ensuite, Le Mans, ciné poche fermée, vous avez raison. Parler même, c'est un peu le même cas finalement que CGR qui ferme ses propres salles ou d'autres, parce qu'ils sont le même. Gaumont fait beaucoup ça aussi, ou GC. Ils sont le même qui étaient installés dans un vieux complexe de cinéma du centre-ville et qui vont s'implanter à l'extérieur et qui, du coup, effectivement, on peut dire des fausses fermetures dans le sens où finalement, ce sont les mêmes qui sont juste allés construire ailleurs et qui abandonnent le premier lieu comme on quitte une maison qui est plus assez grande ou plus assez moderne ou quoi que ce soit. Bon. Donc dans ce sens-là, le ciné-poche, c'est ça, la fermeture du ciné-poche. Mais Le Mans, le cinéaste au Mans, qui a donc effectivement été la salle qui a remplacé, qui s'est transformée en RSS, salle plus grande, n'équilibre pas. Il faut le dire quand même, elle n'équilibre pas. Donc elle est déjà dans une situation, avant même que le pâté qui vient d'ouvrir n'arrive, elle est déjà dans une situation compliquée. Voilà. Il y a une DSP, délégation de service public, qui vient d'être lancée, dont on va connaître le résultat sous peu. Si la personne qui est choisie, enfin déjà il faut qu'il y ait des candidats, enfin il se trouve qu'il y en a un ou deux, dont une candidate dont on sait qu'elle a les épaules solides, si la municipalité ne prend pas le bon parti, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des épaules, qui a de l'argent, qui a des moyens, s'ils ne font pas ça, la salle est fichue. Voilà. Donc il y a déjà, c'est une question qui est quand même, elle est fichue, ou alors la municipalité va devoir faire comme un camp, qui ne veut plus faire ça d'ailleurs, hein. C'est la communauté de communes à Caen qui a récupéré, c'est quand la maire ne veut plus donner tout cet argent. Ils sont en train de discuter pied à pied pour baisser progressivement les choses. Donc à Caen, et oui, ça va évoluer obligatoirement, ou alors ça s'arrêtera. Voilà. Donc ça va évoluer vers quelque chose qui consiste à dire que même une salle associative qui de toute façon était jusqu'alors subventionnée pour combler l'équilibre qui n'est pas atteint, même dans ce cas-là, il va falloir se débrouiller pour cesser d'être dans cette situation. Et ceux qui n'arriveront pas demain dans l'RSA à survivre à ça, à régler cette question-là, ne survivront pas. Tours, les studios, c'est quelque chose de tout à fait à part, à la fois parce que ça ressemble beaucoup, cette fois, à d'autres salles comme, alors vous en avez cité quelques-unes comme Montpellier, on peut citer Nîmes, on peut citer Metz, Nancy, Angers, il y en a d'autres, hein, quelques salles, des salles comme par exemple le Concordat Nantes, ou d'autres encore, il y en a quelques autres. Il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, hein. C'est une poignée de salles en France qui sont situées dans des villes étudiantes et qui ont comme particularité d'être tenues par des privés. Alors des privés au sens juridique du terme, c'est-à-dire que ce sont des salles dont la structure juridique est organisée en société anonyme, SARL, SAS, toutes ces sortes de choses, et qui sont donc des sociétés capitalistes au sens concret du terme, c'est-à-dire clairement, si jamais il y a des bénéfices, enfin si du moins il y a des résultats financiers, ça veut dire que c'est des bénéfices, ça peut être des bénéfices et que les gens peuvent se les partager, les actionnaires peuvent partir avec l'argent pour eux, quoi, et s'acheter des voitures ou des villas à la campagne. Dans la RSA, en général, on n'a pas de quoi s'acheter grand-chose, mais enfin, il y a quand même quelques sociétés privées qui gèrent comme ça des salles RSA. À Tours, la différence fondamentale, d'ailleurs, c'est que c'est une association de 1901. Donc, c'est une association qui, donc, s'il y a de l'argent en plus, à la fin de l'année, une fois tout payé, les amortissements, le fisc et compagnie, alors, obligatoirement, l'argent, vous savez bien, c'est non lucratif, donc l'argent ne peut pas être partagé par les gens qui composent l'association. C'est ça la grosse différence. Et après, ça veut dire que cet argent, il est forcément mis de côté, et s'il doit être utilisé, c'est forcément pour le but de l'association, c'est-à-dire ce que vous avez fait d'ailleurs, agrandir, etc. Souvent, finalement, ces deux formes juridiques-là, société privée ou société associative, association de loi 1901, au fond, dans la RSA, ce qui est certain, c'est que ça revient presque au même, puisque d'un côté, on a le système association qui, de toute façon, s'est auto-contraint d'avance à devoir faire ce que je viens de dire, mais finalement, vous savez, aux 400 coups, moi je suis actionnaire du cinéma des 400 coups depuis toujours, je peux vous dire que je n'ai jamais touché de dividende, jamais. Parce qu'on a été bénéficiaire à certains moments, ça nous arrive de temps en temps, on fait comme l'association. C'est juste qu'on n'est pas obligé de le faire. C'est juste que si tout d'un coup, nous prenait l'envie de partager l'argent, on pourrait. Voilà. Vous, vous ne pouvez pas. Vous êtes coupé de ça d'avance. Voilà. Simplement, vous êtes aussi coupé de quelque chose qui est une image assez importante. C'est que l'image que vous donnez, de loin, y compris pour les professionnels, c'est que comme vous êtes associatif, vous ne risquez rien. Parce qu'il y a forcément des subventions derrière qui vont vous aider ou quoi que ce soit. Alors, ce n'est pas votre choix. Voilà. Donc, ça, c'est la question. Et maintenant, la vraie question, c'est quand on est une salle associative ou pas, mais en tout cas d'arrêt d'essai dans le dispositif que vous avez décrit très bien, sur lequel je ne vais pas revenir, est-ce qu'à partir du moment où arrive un multiplex de plus, on arrive à survivre puisqu'on a décidé qu'on le faisait sur ses propres subsides, en fait, hein, sur ses propres recettes, est-ce que c'est possible ou pas? C'est ça la vraie question. Et c'est drôle aussi de voir que, comme tout le monde, mais ce qui est normal parce que c'est la norme, vous parlez en nombre de fauteuils par habitant. et que les gens, toujours, le CNC y compris, disent tout le temps, mais voilà, on va passer de tant de fauteuils à tant de fauteuils, l'équipement est comme ci, comme ça, tant de fauteuils par habitant. Et la vérité, c'est que dans la pratique de la programmation des salles de cinéma, la pratique, c'est que ça fait longtemps qu'on ne travaille plus avec les fauteuils, nous. Nous tous, aucun d'entre nous. On travaille avec les écrans. Et la place dont on parle, ce n'est pas le nombre de fauteuils, presque on s'en fiche. On ne s'en fiche pas complètement dans l'absolu. Mais au fond, quand on discute, c'est le nombre d'écrans. Et moi, quand je me pose la question d'un nouvel aménagement cinématographique sur une zone, la première chose que je me pose, c'est combien... Alors, il y a deux questions que je me pose. La première, c'est combien d'écrans de plus ça représente. Et la deuxième, c'est combien d'établissements de plus, qui est une autre dimension, une autre type d'unité qui compte aussi beaucoup. Et surtout, quand c'est un établissement de plus, qui le tient? Alors là, je vais faire une espèce de simulation qui aurait très bien pu avoir lieu parce qu'elle a eu lieu ailleurs et qu'elle a d'ailleurs failli avoir lieu ici. C'est qu'au fond, il arrive très souvent, comme ça a été le cas ici à Tours, dans un premier temps, que le maire ou le président du comité d'agglo, qui effectivement est à l'origine, depuis déjà plusieurs années, partout, des aménagements commerciaux cinématographiques. Il faut comprendre qu'à une époque, quand on faisait un cinéma, c'était parce que quelqu'un qui tenait déjà des cinémas ou qui voulait tenir un cinéma en avait envie. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut faire un aménagement commercial, ça c'est une série d'élus, et qui se dit, je vais en effet mettre un cinéma pour toutes les raisons que vous avez indiquées. Et c'est ceux du cinéma qui se disent, ah, ils veulent faire un cinéma, est-ce que j'y vais ou pas? Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et s'agissant de CGR, de plus, comme très souvent... Finalement, il se retrouve situé, alors actuellement, à Angoulême, il n'y a pas si longtemps que ça, à Poitiers, aujourd'hui à Tours, j'en ai d'autres, hein, j'en oublie, mais enfin, il a eu le même cas à Cherbourg aussi. Donc voilà, ça, c'est le cas est le suivant. Il est déjà implanté, alors ici, on le sait, il a déjà plusieurs établissements, voilà. Un aménagement commercial se prévoit, aménagement commercial, ou en tout cas au moins aménagement, on va dire, plus ou moins commercial, vous avez donné les nuances. Mais en tout cas, un aménagement va avoir lieu. La municipalité ou la communauté de communes, à côté d'agglo, la métropole, ce que vous voulez, la dimension en question qui a décidé de mettre en place ce système, en effet, veut un cinéma. CGR est implanté là et CGR se dit, mais CGR le dit surtout, il l'écrit partout, tout le temps. C'est pour ne pas voir arriver un concurrent, je vais donc moi m'installer en plus là-bas. Voilà. Et donc, et allant jusqu'à donc dépenser 8 millions d'euros, 5 millions d'euros, ça dépend des lieux, etc., pour empêcher, pour aller mettre un cinéma qu'il n'aurait pas mis sans cela, mais qui, de lui-même, il ne l'aurait pas fait, mais parce qu'il ne veut pas qu'un concurrent arrive. Bon. Et moi, je voulais vous dire une chose. Quand on a en face de soi un nouveau multiplex qui arrive, et qu'on s'aperçoit que le multiplex en question va être pris par le même qui est déjà là, c'est moins grave. Alors, c'est paradoxal, je sais. Mais pour la concurrence, c'est moins grave que si c'est un autre opérateur. Donc c'est à la fois, les trois facteurs, c'est le nombre d'établissements supplémentaires que ça représente, le nombre d'opérateurs supplémentaires ou pas que ça représente, et le nombre d'écrans que ça représente. Voilà. Alors maintenant, je vais me mettre du côté du distributeur du film. Le distributeur du film, aujourd'hui, je vous ai entendu aussi dire une phrase, qui est une phrase très typique, que beaucoup de professionnels eux-mêmes emploient toujours, alors qu'il faut le bannir du vocabulaire. C'est le mot copie. C'est fini le mot copie. C'est maintenant, il faut parler en point de diffusion. Parce que, et encore, même comme ça, il faut préciser derrière. Point de diffusion établissement, point de diffusion écran, point de diffusion horaire. Alors je m'explique. Quand on est distributeur et qu'on a en face de soi un multiplex, on a en face de soi quelqu'un qui a beaucoup d'écrans, qui a beaucoup de place, quoi. Bon. Surtout à certaines périodes de l'année, parce que ça c'est très varié, parce que c'est pareil, tout est relatif. Un multiplex, c'est beaucoup d'écrans, sauf qu'au moment de Noël, il n'y a pas assez de place. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on sort les ch'tis ou rien à déclarer ou je ne sais pas quoi, on va le passer, on a des fichiers, c'est des fichiers électroniques, ça se duplique comme on veut, si on réfléchit techniquement. Et la loi permet qu'un même établissement puisse montrer le même film au même moment dans quatre écrans différents. Vous savez, c'est la multidiffusion, ça s'appelle. Ça veut dire que, et comme en plus dans ces cas-là, ils démarrent les séances au moment de Noël, ils démarrent à 10h le matin, ils font des séances toutes les demi-heures sur les quatre salles. Donc ils bombardent le film, le même film, dans plein de... Bon, du coup, ils s'empêchent, mais en même temps, il y a quatre écrans occupés. Donc pendant ce temps-là, il n'y a pas de place pour d'autres films sur les écrans. Il y a quatre écrans occupés, voilà. Bon, un multiplex peut faire ça. Et donc, ça, c'est intéressant. Enfin, il y a des moments où même lui, il n'a pas assez de place. Du coup, quand il a plusieurs films comme ça qu'il veut faire fonctionner au moment de Noël et compagnie, ça, c'est sûr qu'il n'a pas assez de place. Mais dans pas mal d'époques de l'année, il n'y a pas assez de films porteurs. Je ne parle pas d'art et d'essai, là. Je parle de cinéma global, quoi, de produits commerciaux au cinéma. Il n'y a pas assez de films qui fonctionnent pour qu'avec tous ces écrans, ils puissent finalement remplir... Enfin, il n'y a pas assez de films intéressants. Voilà. Donc, c'est beaucoup d'écrans. Et en même temps, pour lui, c'est comment je fais pour quand même rentabiliser avec tout ça. Bon. Donc, si vous voulez, le représentant d'un multiplex, c'est quelqu'un qui utilise un outil en face d'une offre qui est plus ou moins grande et qui va essayer de au maximum remplir son outil et le faire fonctionner. Bon, quand il est tout seul, par rapport à, et qu'il a plusieurs multiplex, et qu'il est, alors attendez, je vais reprendre dans l'autre sens. Je suis distributeur, j'ai un film qui va être porteur. J'ai de la demande de tout le monde à la fois parce que le film intéresse tout le monde. Ça ne pose aucun problème de fournir le fichier aujourd'hui. Hier, ça se fabriquait, ça coûtait très cher, c'était très long, il fallait attendre, c'était lourd à transporter, compliqué. Bon, c'est terminé, ça. Aujourd'hui, c'est déjà vrai, ça se bascule via Internet, le fichier. Donc, c'est très simple de fournir, au contraire, ce qu'on appelle encore les copies, qui sont les fichiers. C'est pas compliqué d'avoir des fichiers. C'est pas compliqué du tout. D'autant plus qu'on peut remplir, du coup, dans tous les sens. Bon, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il n'y ait pas assez... Que pour le même film qui marche, on puisse n'avoir que deux endroits. Pas quatre. C'est ça qui les attend demain. C'est qu'aujourd'hui, en France, il y a 50 films, pas plus, qui sont porteurs à essai chaque année. Pas plus. Il y en a 30, 40, 50, 56 maxi sur 15, sur 12 ans en arrière. Une année, j'en ai eu 56. Voilà. Comment ? Porteurs, c'est des films qui marchent. Ça va être assez simple. C'est des films qui sont rentables pour la salle. Du coup, c'est des films, vous les placez dans la salle et ils vont faire suffisamment d'entrées pour que les dépenses que vous avez encourues pour le mettre là soient non seulement couvertes, mais qu'en plus, derrière ça, en plus, vous gagnez de l'argent. Voilà. Donc ce sont des films qui fonctionnent. Une salle comme les studios de Tours, elle a 7 écrans. Est-ce que vous avez même une idée de combien de films différents elle monte par an ? Est-ce que quelqu'un peut donner ce chiffre ? Il y a des gens qui m'ont déjà entendu le dire parce que j'ai déjà... Oui, parce que à chaque fois, évidemment, les gens des studios de Tours le savent parce que je le saurais une centaine. C'est de l'ordre de 400 films. Voilà. Ouais, ça dépend des années, mais c'est de l'ordre de 400 et c'est amené à grossir encore plus. Voilà. Donc c'est de l'ordre de 400. Pendant ce temps-là, au même moment, alors c'est 7 écrans, 400 films, voilà la proportion. 52 semaines, vous vous souvenez par ailleurs, on n'a que 52 semaines. Ça, tout le monde a le même chiffre de nombre de semaines. Non, mais je veux dire, parce qu'il y a des constantes aussi. À un moment, il faut penser à l'embouteillage face aux constantes, quoi. Bon. Donc 7 écrans, 52 semaines, 400 films, ok. Pendant ce temps-là, un multiplex de 12, 18, 22, vous pouvez multiplier les écrans à l'envi, c'est pas un problème. Combien y a-t-il de films différents pour qu'ils ne soient pas à réessai et qui sont des films porteurs, donc des films porteurs, non à essai, combien y en a-t-il de différents par an ? Vous vous souvenez ? Entre 150 et 200. Non, il y en a moins que ça. Il y en a entre 115 et 135, 140. Moins que ça, ouais. Mais il y en a quand même ça. Alors, en revanche aussi, ce qu'ils ont comme particularité, ces films porteurs, des deux côtés, donc la tranche à essai, la tranche non à essai, c'est qu'il y a des constantes aussi qui se remarquent. C'est que par exemple, ce qu'on appellera un film porteur à essai, donc clairement, hein, c'est un film qui marche, donc ça c'est pour la question commerciale, mais c'est aussi un film que tout le monde veut en même temps, enfin les deux sont liés de toute manière. Bon. Et de fait, pour ce qui concerne les films à essai porteurs, donc les à essai, ils vont rarement dépasser 4 millions d'entrées. Voilà, c'est plutôt 2, 3, 4 millions d'entrées, c'est le maximum. Pour si l'année par exemple que j'avais étudié, moi de l'année de classement 2012, le film qui avait mieux marché en RSS c'était Les Hommes et des Dieux de Beauvoir, et il avait réalisé 3 millions et pas 4, quoi. Il était entre 3 et 4 millions, mais voilà, pas plus. Bon, et c'était le film le plus fort de tous, voilà, pour cet échelon-là, cette échelle-là. Pendant ce temps-là, au même moment, les 115, 125, 135 films qui sont porteurs non à essai, c'est-à-dire purement commerciaux, sont des films qui vont facilement plutôt grimper aux alentours des 6, 7, 8 millions. Il y en a, en tout cas, il n'est pas rare qu'il y en ait. Et par exemple, la dernière période que j'ai étudiée, c'est le classement 2015. Le film le plus fort a fait 12 millions, pour vous donner les proportions. Donc c'est à la fois, il y en a plus, et à la fois, globalement, il marche mieux, chacun. Voilà. Une autre question aussi, pour continuer sur les proportions. Quand on est à Tours, et qu'un film porteur à Ressay, cette fois, donc de l'ordre de 2, 3, 4 millions, sort sur Tours, alors là, je parle sur Tours, globalement, c'est-à-dire actuellement, en l'état actuel de l'aménagement commercial, tel qu'il est pensé cinématographiquement, un film à Ressay porteur en moyenne réalise sur cette ville 17 000 entrées, en moyenne. Voilà. Et sur ces 17 000 entrées, les studios de Tours vont en réaliser un peu moins de la moitié, souvent. Voilà. Un petit peu moins, quelquefois un peu plus, mais c'est, en gros, la moyenne, c'est ça. À Angers, même constat. C'est-à-dire le nombre d'entrées en moyenne que les mêmes films au même moment vont réaliser sur la ville est un petit peu inférieur à ce que vous avez vous, mais la proportion de partage entre les 400 coups Angers et son concurrent, qui est unique aussi, qui est Gaumont, c'est, ça va être aussi moitié-moitié, en gros. Alors, ce qui est surtout intéressant à dire aussi, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de professionnels pensent, alors vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que vous n'avez jamais réfléchi à ça, mais c'est très important, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est qu'est-ce qui se passe quand on rajoute un multiplex ? Est-ce que la copie d'un même film va aller dans ce multiplex ou pas ? C'est ça la question. Eh bien, la réponse est oui. À chaque fois qu'on rajoute un bâtiment, à chaque fois, on rajoute au moins un fichier qui va dans un écran. Et quand on se retrouve en plus avec des multiplex qui, à un moment donné, n'ont pas tant que ça de films à se mettre sous la dent, vous prenez aussi le risque que le même fichier soit passé chez eux dans deux écrans, par exemple. Bon. Alors que les studios à Tours n'ont pas la place de faire ça. Car le maximum de films que passe un multiplex de 18 salles, etc., par an, c'est 250 films. Pendant que, alors ils ont 18 écrans, 20 écrans, etc., ils passent 250 films. Eux n'en ont que 7, les écrans, ils en passent 400. Comment voulez-vous, dans ces proportions-là, vous comprenez bien que eux, même si techniquement ils en ont la possibilité, au studio de Tours, techniquement c'est possible de mettre des fichiers partout. Ils sont équipeurs numériques, ils pourraient le faire, mais ils n'ont pas la place. Ils ont les 400 films à passer, donc ils n'ont pas la place. Donc la force de frappe pour les mêmes films d'un multiplex, elle est réelle par rapport à nous. Voilà. Oui ? D'accord. Donc c'est ça le problème que courent les studios Tours. C'est-à-dire que le Madame d'Avoine, ça c'est le Tour Nord, va vouloir les films porteurs à Ressay. Elle va vouloir un fichier au moins pour son cinéma. CGR, sur les films porteurs à Ressay, il le voudra au de Lyon et en centre-ville. Non, compte tenu de ce que vous disiez, même sans vouloir changer son... Il va les vouloir, point. Parce qu'il en aura besoin, tout simplement. Sans parler d'image, juste en termes d'entrée. Et eux, ils en auront besoin aussi. Voilà. Et bien, quand on regarde ce qui se passe à Rouen, où la situation est exactement celle-là, et où les films porteurs à Ressay sont partagés un peu moins aujourd'hui, parce qu'on a fait un travail, mais ont été partagés les trois premières années en quatre, à chaque fois, au lieu de deux, ici c'est entre CGR dans l'un des établissements, car c'est le même opérateur. Donc il prend seulement une fois la copie actuellement. Il est tout seul pour le reste, il a tout le reste du marché, il n'a pas besoin de tout ça, il ne le prend qu'une fois. Là, à Rouen, c'est quatre fois. Demain, ici, ça peut être quatre fois. Techniquement, c'est ça qui nous attend. Et bien, à Rouen, la différence d'entrée sur la période de classement 2015 entre Angers et Rouen, Angers fait un peu moins d'entrées que vous, c'est 150 000 entrées par an. Dû à ça, uniquement sur ces films-là. Parce qu'à chaque fois que vous passez un film, que vous partagez à ce point-là, vous perdez à chaque fois 10 000 entrées. Les uns après les autres, les films. Donc 150 000 entrées de différence, c'est un fait, quoi. Je veux dire, clairement, demain, si les studios de Tours se retrouvent dans la situation de devoir partager en 4 ce qu'ils partageaient hier en 2, ils perdront de l'ordre de 75, 100 000, 150 000 entrées, ça dépendra des années, ça dépendra. Mais ça va être ça. Alors, je sais bien qu'à Tournord, je regardais, parce que je suis d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'à Tournord, il y a une population qui actuellement, sans doute, va beaucoup moins au cinéma qu'elle ira demain, ça c'est à peu près certain. Donc on va gagner quelques spectateurs. Donc ceci va un tout petit peu compenser cela. Mais le vrai risque, c'est que ce ne soit pas suffisant. Voilà. Donc la vérité, c'est qu'il faut trouver un moyen. Alors moi, je ne suis pas du tout contre le fait que le studio, que du moins, j'ai toujours dit d'ailleurs, que le multiplex, qu'un multiplex s'installe à Tournord. Moi, ce qui me pose problème, c'est que les distributeurs de films, si la branche aussi sur laquelle ils sont assis eux-mêmes, c'est-à-dire acceptent d'accéder à toutes ces demandes dans tous les sens, en sachant très bien qu'en faisant ça, ils ne font que diviser, car ils ne gagnent pas d'entrée. Hein. Ça, c'est certain, ça se voit dans les constats. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'entrée à multiplier des copies. Clairement pas. Voilà. Donc, on multiplie les copies. En faisant ça, on affaiblit les studios de tour. Demain, si les studios de tour doivent fermer, alors, soit ils auront le choix, soit de fermer, soit ils auront le choix de se dire, ben, après tout, on est indépendant, on dépend de personne d'autre, et on se met à faire du commercial, nous aussi. Parce qu'après tout, ils sont chez eux. Et de se dire, pour survivre, enfin, je ne pense pas que c'est ce que vous ferez, mais c'est un choix que vous avez. Vous avez ce choix-là. Vous n'êtes pas tributaire d'une subvention à RSA qui vous met un cahier des charges, qui vous obligerait de se... Le cahier des charges, c'est vous qui le faites. Donc, vous pourriez tout à fait, en tant qu'entrepreneur, dire, moi, je veux sauver mes emplois et j'arrête de penser que je vais montrer tous ces films-là, à RSA, pur et dur, qui ne marchent pas du tout. Voilà. Parce que les 50 films qui sont à RSA, qui sont porteurs à RSA, qu'actuellement les studios de Tours partagent seulement en deux, voilà, ces 50 films-là leur permettent de faire 60% de leurs entrées et de leurs recettes. C'est de ça qu'on parle aussi. Et les 350 autres films font le reste. C'est ça les proportions. Je les ai vérifiées. Hein. De toute façon, c'est les mêmes proportions qu'à Angers, c'est les mêmes proportions qu'à Tours, c'est les mêmes proportions que dans d'autres villes que j'ai étudiées depuis. C'est une mécanique qui, visiblement, c'est pas qu'une tendance, c'est un fait. Quoi. C'est comme ça que ça marche. Merci. Et bien, c'est la parole. À notre invité. Bonsoir. Bon, je vais voir du monde à structurer, parce que je suis tenté de répondre, de réagir à un certain nombre de choses. Alors, d'abord, peut-être au préalable, préciser que les studios ne sont pas et n'ont jamais été opposés à l'installation d'un cinéma à Tournord. Pour preuve, il y a un peu plus de 15 ans maintenant, l'ancienne municipalité avait déjà voulu implanter un cinéma à Tournord et nous a donc contacté pour nous proposer d'assurer la gestion de ce cinéma. Alors, comme nous sommes une association, on avait provoqué une assemblée générale. Et nous étions partants. On a même travaillé avec un architecte sur ce projet. Et le projet n'a pas eu lieu, tout simplement pour des raisons politiques internes et de conflits entre différents élus. Mais si ce projet-là ne s'est pas fait, ce n'est en aucun cas du fait des studios. Alors, je vais peut-être réinciter sur ce qu'a dit Catherine. Et vous avez bien fait dans la présentation de dire cinéma... les studios sont un cinéma indépendant et associatif. Ouais. Les deux. C'est-à-dire, indépendant, ben, nous le sommes, comme bien d'autres. Ça veut dire que nous faisons nous-mêmes le choix de notre programmation. On n'appartient pas à un grand circuit d'exploitation. Indépendant aussi des collectivités locales. Et indépendant financièrement. Et effectivement, Catherine l'a bien dit, j'insiste sur ça, parce que effectivement, à partir du moment où on est associatif, c'est ancré dans la tête de beaucoup de gens, y compris dans notre public, y compris dans les milieux professionnels, encore récemment un distributeur, parce qu'ils viennent aussi, souvent ils accompagnent les réalisateurs, je lui dis, mais non, nous n'avons pas de subvention. Ah bon ? Nous n'avons pas de subvention de fonctionnement. C'est très important. Voilà, et donc Catherine l'a bien dit, on a quelques... Et depuis peu de temps, en plus, nous avons demandé pour nos deux festivals, le FICAT, le Festival de cinéma asiatique, et le Festival Désir-Désir, effectivement, c'est passé par une décision d'ECA, une association, c'est démocratique, c'est pas une dictature consultative, donc tout est décidé en CA, et le CA a accepté, effectivement, pour des manifestations ponctuelles, comme des festivals, de demander des subventions, parce qu'un festival, c'est pas seulement passer des films, c'est aussi inviter beaucoup de réalisateurs, donc beaucoup de frais, faire une communication spécifique, et donc ce sont vraiment quelques centaines, quelques milliers d'euros, hein, 7 000 pour chaque festival, parce que, pourquoi on a fait cette demande-là ? Parce que d'abord c'est une reconnaissance. Alors, oui, alors, j'allais dire, jusqu'à maintenant, voilà. Alors, effectivement, le changement de municipalité a entraîné, effectivement, comme dans beaucoup d'endroits, une baisse des subventions, et notamment le festival asiatique, enfin, ça sera décidé la semaine prochaine, n'aura probablement plus de subventions. Donc, voilà, ça, c'était important de le dire. Donc, effectivement, si ces subventions s'arrêtent, les studios continuent de fonctionner. Alors peut-être aussi, alors je ne veux pas faire une présentation générale des studios, si vous êtes là, c'est que je pense que vous les connaissez, peut-être un petit peu quand même les studios en chiffres. Donc les studios en chiffres, c'est 24 000 abonnés. Je précise ces chiffres parce que ça pointe notre singularité de fonctionnement, mais aussi en termes de, finalement, de réussite, parce que souvent, quand j'encontre Catherine ou d'autres exploitants, si on nous compare en termes d'entrée par rapport à d'autres cinémas comparables, tout le monde, tous les autres indépendants nous envient nos entrées, notre nombre d'abonnés, donc entre 20 et 25 000 selon les années. Donc nous faisons notre seuil d'équilibre, il est à 350 000 entrées annuelles. Donc Catherine a déjà dit, parce que je comptais le dire aussi, le nombre de films. Alors, peut-être que j'avais envie de vous lire nos principes d'orientation. Alors ces principes d'orientation, ils remontent à la création des studios. On les a revus il y a 3 ans en Assemblée Générale. Et ils me paraissent importants parce qu'ils disent bien quel est notre but, hein. On est une association donc de militants mais aussi de cinéphiles, de gens qui sont passionnés par le cinéma, hein. Donc le domaine culturel est partie prenante des enjeux et des luttes de notre société. En ce sens, c'est un champ vivant et conflictuel. Ainsi, donc, les studios ont fait un choix. Nous voulons un lieu de rencontre de toutes les composantes de la gauche institutionnelle et alternative dans ses diverses expressions politiques, syndicales, culturelles et associatives. Alors, sur le combat politique, donc, nous avons choisi de participer à la remise en cause d'une domination qui consiste à faire accepter comme naturel, donc inévitable, tous les privilèges, en particulier ceux liés à l'exploitation dans le travail, aux énormes différences dans les conditions de vie, dans l'exercice des responsabilités, dans les possibilités de création, et aussi à l'appropriation et au détournement des acquis culturels. Donc, ça dit bien que notre volonté, c'est quand même d'offrir ce qu'on appelle la diversité culturelle, une volonté d'indépendance. Elle se veut indépendante aussi bien des grands intérêts de la profession cinématographique que de tout autre groupe de pression, afin de préserver sa liberté, en particulier face aux contraintes et aux pressions économiques croissantes. Et ça, Catherine l'a assez expliqué, les pressions économiques sont effectivement croissantes, et aussi les pressions des grands groupes, notamment, j'en parlerai un peu, sur la distribution des films. Parce qu'il n'y a pas de loi qui dise tel film c'est pour tel cinéma et tel film c'est pour tel autre. Et puis c'est pas ce que nous souhaitons d'ailleurs. Alors, une recherche d'action culturelle populaire, hein, puisque c'est notre fonds de commerce, on va dire, celle-ci se traduit par le double souci d'assurer une programmation diversifiée et d'offrir à un public large les meilleures conditions possibles, prix, information, accueil. Notre carte de visite, effectivement, on est un cinéma où on est accueilli. La volonté d'assurer la diffusion de films d'auteurs en marge, de créateurs indépendants et de films témoins de lutte sociale ou de recherche. Le désir d'assurer un cinéma de qualité en direction des enfants et de participer à leur éveil à l'audiovisuel. Enfin, vous savez tous qu'on est au cœur à peu près de tous les dispositifs d'éducation à l'image, qu'ils soient institutionnels avec maternelle, école, collège, lycée ou cinéma, et les nôtres propres par notre commission jeune public et nos ateliers jeunes publics que nous mettons en œuvre nous-mêmes. L'organisation d'activités d'animation, carnet, rencontres, expositions, vidéos, la prise d'initiative et de responsabilité par les membres actifs dans la vie associative. Et puis aussi la collaboration avec d'autres associations éducatives, culturelles, syndicales, politiques, travaillant dans le même sens qu'elles. Hein, nous sommes probablement effectivement la structure culturelle de la ville qui a établi le plus de partenariats avec toutes les autres structures associatives, qu'elles soient importantes comme le CCNT, le Centre Dramatique, ou même toutes les associations via le CNP et à travers tous les débats du CNT du jeudi soir. Donc on voit bien par là que nous n'avons rien à voir avec, dans nos attentions, avec un multiplex. Alors, l'arrivée de ce nouveau multiplex, alors, nous met-il en danger et dans quelle proportion ? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui ont les indépendants à Ressay qui se sont maintenus sont ceux qui se sont toujours agrandis face à la nouvelle à l'arrivée d'une nouvelle concurrence. Et c'est ce que nous avons toujours fait jusqu'à maintenant. À chaque fois que CGR est arrivé, au centre, au sud, nous nous sommes agrandis à chaque fois. Sauf que maintenant, dans le quartier en plus où on est particulièrement sensible, quartier historique, nous ne pouvons plus le faire. Ça, c'est pas possible. Alors, en quoi consiste le danger de l'arrivée d'un concurrent qui, lui, est quand même purement commercial? C'est effectivement dans l'accès au film. Il faut savoir que, et ça a été renforcé avec l'arrivée du numérique, c'est-à-dire que le numérique a facilité ce qu'on appelle peut-être la multiplicité des points de diffusion, voilà. Et en plus, leur facilite même l'accès à la VO, puisque sur un même support, il suffit d'avoir une clé informatique pour débloquer la version originale ou la version française. C'est pour ça que depuis que l'arrivée du numérique, tous les multiplex se mettent à faire de la VO. Donc en fait, pour nous, la difficulté sera effectivement d'avoir accès à tous les films à réessayer. Vous avez parlé aussi d'entrée. Alors effectivement, l'arrivée du groupe d'Avoine au Nord, dans le dossier qu'elle a défendu en commission nationale, il y a eu une étude de marché, bien évidemment, et donc l'augmentation globale sur l'agglomération de fréquentation est d'environ, la prévision est de 20 000 entrées. Ce multiplex, lui, pour j'utilise nos mots à nous, c'est équilibré, mais non, c'est pas équilibré, c'est pour être rentable, ce qui n'est pas notre vocabulaire, il leur faut 400 000 entrées, ça c'est ce qui est écrit dans le dossier, 480 000 entrées que Lindavoine a déclaré, c'était dans la Nouvelle République d'il y a à peu près un mois. Donc si ça s'augmente de 20 000 entrées sur l'agglomération, mais qu'elle, elle va faire 400 000 entrées, ça fait 380 000 entrées en moins pour les autres cinémas. Alors, bien entendu, on peut penser que majoritairement, ces entrées, elle va en prendre beaucoup plus au CGR qu'à nous, mais elle nous en prendra inévitablement du fait du partage des films. Alors, notamment sur quels films? Évidemment, les films dits à réessai porteurs. Alors, pour nous, moi je vais parler de 25, notre top 25, en termes de sur nos. Donc, sur nos 470 films, ça fait à peu près à peine 5% de notre programmation. Et ces films-là, évidemment, sont ceux qui nous font vivre. Ils représentent entre 33 et 38% de nos recettes. Et partager ces films-là, évidemment, va nous impacter. Donc, il faut qu'on s'apprête. On va faire moins d'entrées sur ces films-là. Donc, va falloir qu'on réfléchisse à comment en faire plus sur les autres. Inévitablement. si on veut... Alors, il faut savoir quand même que c'est une association, mais c'est aussi une entreprise. Nous avons 17 salariés. On a, pour nous être francs, on a 5 projectionnistes, on a 6 caissières, des salariés pour l'accueil, on salarie aussi une personne sur la bibliothèque, on salarie aussi une personne sur les dispositifs d'éducation à l'image, coordination des séances scolaires et le coordinateur d'école au cinéma. Donc, ceux qui sont des emplois qui étaient initialement des emplois jeunes qu'on a transformés en emplois définitifs, en CDI, donc. Et parce que, effectivement, ces personnes-là ont énormément développé ces secteurs. C'était création vraiment d'emplois nouveaux avec développement à la clé. Et ils ont remarquablement réussi. Mais donc, ces emplois-là sont financés par nos sources de financement, c'est-à-dire nos entrées. Et ce sont notamment l'emploi sur la bibliothèque qui ne sont pas des emplois directement liés au cinéma. Et donc, il va falloir quand même qu'on continue à pouvoir les financer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pouvais dire encore? Oui, alors l'accès aux films, donc il va falloir donc qu'on se protège pour garantir, donc c'est ce que nous sommes en train de faire, donc en train de tenter de faire, c'est-à-dire trouver des moyens. Alors vous savez qu'il y a eu donc l'implantation de ces multiplex, quand même, elles ont un peu inquiété aussi les collectivités, les pouvoirs publics. Donc il y a eu le fameux rapport La Gauche, qui s'est traduit, ce sont un groupe de sénateurs, ça s'est traduit par trois propositions de ce rapport qui sont passées dans la loi et qui obligent les nouveaux multiplex qui s'installent à prendre des engagements vis-à-vis vis-à-vis des indépendants qui sont déjà là. Donc c'est ce sur quoi on travaille. L'enjeu est important parce que, comme on est une des premières structures à le faire, qu'en plus c'est vrai que les cinéma studios pour les milieux professionnels sont un petit peu emblématiques. En France, on est très observé, très regardé. Il faut savoir par exemple que c'est chez nous que tous les mercredis, pour des petits films entre guillemets, c'est chez nous que font c'est nous qui faisons le plus grand nombre d'entrées en France, souvent sur le 14h ou le 19h. Donc ça veut dire qu'on représente un enjeu important pour les distributeurs, les petits, pour les petits films, parce qu'une sortie chez nous, du coup, ça permet de passer beaucoup plus facilement le film ailleurs. Voilà, en ce moment, donc, on essaye de faire en sorte que ces engagements nous protègent, nous garantissent. Ce qui est important pour nous, c'est la garantie d'avoir accès à tous les films. Il faut savoir qu'effectivement, vis-à-vis de certains disputes, alors, pour le système de distribution, nous avons des distributeurs pour les indépendants, les petits films, des pressions énormes. Ils veulent tous absolument sortir leurs films au cinéma studio. On a cet écran. Chaque semaine, ils s'en libèrent deux, parfois trois. Et chaque mercredi, si vous regardez la presse spécialisée, vous constatez qu'il en sort entre 10 et 17. On ne peut pas tous les passer en sortie nationale. Par ailleurs, les gros distributeurs, notamment ceux pour certains films art et ses porteurs, ceux-là, il faut qu'on négocie très serré, voir certains films non art et ses, parce qu'on passe aussi, je pense à 9 mois ferme, le film de Dupontel. On a failli ne pas l'avoir, alors que même Albert Dupontel était venu nous le présenter 2 mois avant pour faire un work in progress avant son montage définitif. Donc, il nous avait choisi pour faire ça avec 2 autres salles en France. Et après, une fois le film achevé, le distributeur ne veut pas nous le donner. Pourquoi ? Parce que, effectivement, pour un distributeur, ils vont toujours chercher plutôt un CGR ou d'Avoine, vont leur offrir des centaines d'écrans. Nous, un seul pendant le maximum qu'on puisse faire pour l'exposition d'un film. C'est ce qu'on appelle le 4-3-2-1, 4 semaines, 4 séances la première semaine, 3 séances la deuxième, 2 la troisième et une séance la quatrième semaine, avec une petite marge de souplesse quand un film marche bien, comme par exemple en ce moment un Timbuktu. On a le film imprévu qui nous permet de prolonger le film. Donc c'est la seule souplesse que nous avons dans notre programmation, donc ce système de 4-3-2-1. Eh bien, c'est l'exposition maximum que l'on peut donner à un film, et c'est ce qui nous permet effectivement d'en passer entre 470 par an. Voilà, ça dépend si on prend en compte tous les films qu'on passe dans les festivals. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Je regarde sur mes notes. Voilà. Oui, si une chose que c'est quand même sur je voulais rajouter, par exemple, je pense à CGR La Rochelle. Le CNC encourage quand même là où il n'y a pas d'indépendant, les multiplexes à faire de l'art et essai. Ah oui. Voilà. Et CGR, quand même, vous avez parlé des cinémas Dragon tout à l'heure à La Rochelle, mais vous n'avez pas dit qu'ils ont été rachetés par CGR. Voilà. C'est-à-dire que CGR, il y avait les Dragons et il y avait, comment il s'appelle, l'Olympia, celui qui est sur la grande place. Oui, c'est ça, voilà. Donc CGR, quand il est arrivé à La Rochelle, a fait de l'art essai le temps de l'écouler. Et puis après, il les a rachetés. Et puis après, la diversité culturelle, Tintin. C'est fini. Leur objectif à eux, c'est pas la diversité culturelle, c'est quand même la rentabilité. Il n'est pas le seul. Et bien, rajoutez. Merci. Un cinéma associatif, c'est une parole collective, donc il n'y a pas que moi qui suis autorisé à prendre la parole. Voilà. Juste, bon, c'est évidemment ce qui a été dit par les trois interlocuteurs, spécifiquement sur les studios, par Philippe, est très complet. Juste rajoute, puisque notre adversaire, je dirais pour l'instant, c'est Davoine, trois indications. Il est en train d'investir pour 7 millions d'euros dans ses 9 salles, c'est ce qu'il a projeté, à Tournord. Il va falloir qu'il les rentabilise, puisque son principe, c'est de rentabiliser, c'est pas comme nous de réinvestir. La deuxième chose, c'est que Davoine, autant que c'était le père de celle qui maintenant en est directrice, a été condamné en 2007 pour des pratiques non concurrentielles par la direction de la concurrence. Alors, juste en quelques mots, quel est le principe des distributeurs? Quelle pression font-ils auprès des distributeurs? C'est relativement simple. Ils disent, si vous les donnez, par exemple, je prends les studios, mais c'est un tournant fictif, je ne veux pas être accusé de diffamation, si vous les donnez aux studios, je ne prends pas votre prochain film dans tout mon circuit. Donc ça veut dire que ça élimine 100, 150 salles après 100 écrans. Donc c'est un moyen de pression très convaincant pour des distributeurs, en plus de tout ce que Catherine et ce qui a été dit auparavant. J'ai un bémol à apporter ça. Alors, C'est ce qui s'est passé, et ce pourquoi ils ont été condamnés, parce qu'ils décrit ce mécanisme très précisément. Maintenant que c'est sa fille, Lynn Davoine, il paraît que ça ne se fait plus, nous a-t-elle dit lors d'une rencontre, sauf qu'on sait qu'il y a eu d'autres condamnations, mais là, par devant la médiatrice ou ailleurs, parce que ce type de avait pu exister. Et enfin, il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les studios sont entièrement classés art et essai. Nous ne pouvons pas, sous peine de perdre notre label art et essai, aller concurrencer sur des cinémas, sur des films non classés. Si nous passons des films non classés en nombre suffisamment important et qui pourraient être éventuellement attrayants pour nous économiquement, en fait, on perdrait une partie de notre âme et une partie de nos labels aussi. Donc, la concurrence est très faussée. Puisque Davoine pourrait aller sur nos films à réessai porteurs, c'est-à-dire ceux qui font plus d'1 million ou 2 millions d'entrées en France, Par contre, nous, il nous est pratiquement interdit, ou nous nous interdisons, pour des raisons à la fois déontologiques et puis de qualité, d'aller sur ce sur quoi on pourrait nous aussi les concurrencer. C'est-à-dire que si Davoine demande un film porteur qu'on a déjà, nous, on n'ira pas demander un film porteur non commercial, enfin commercial, je veux dire, qui ne nous intéresse pas, mais qui économiquement pourrait nous rapporter. Donc, il n'y a pas le même rapport à l'économie du cinéma dans ce cas de figure. Voilà, c'est est-ce juste que, est-ce que je peux juste apporter un contrepoint à ce que tu vas dire? Parce que, quand même, la subvention RSA, il faut aussi parler avec des chiffres. La subvention RSA maximum en France, c'est 90 000 euros. Alors, c'est énorme, hein, je pense surtout à nous tous qui ne gagnons pas ça en même 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, je ne sais rien. Mais 90 000 euros, c'est le maximum qui est donné à une salle. Et au fond, je te la fais théoriquement, je sais bien que vous ne le ferez pas. Mais je veux dire, si vous décidiez de passer, et ce n'est pas ce que je préconise non plus, je veux juste relativiser les choses. Si vous vous mettiez à faire du commercial, en 4 films, la part recette exploitant, elle atteint les 90 000 euros. Avec 4 films, 5 films maximum. Donc tout est relatif quand même. Voilà. C'est-à-dire que. C'est pour ça. Non, mais mettons les choses là où elles sont. C'est une question déontologique. C'est une question d'idées précises de ce que vous voulez montrer et de l'intérêt que ça a. En plus, disons-le forcément, parce que de toute façon, la seule chance que vous vous donnez, que nous nous donnons tous de pouvoir survivre en continuant ce travail-là, elle est liée à ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans la loi Pinel, il y a une loi qui est sortie là. Alors, je ne vais pas vous emmerder avec la loi trop, parce que c'est un peu juridique et tout ça, mais il y a une loi très importante en matière d'aménagement commercial qui vient d'être votée là en juillet dernier, dont le décret d'application, en plus, vient de tomber il y a 15 jours. Donc, on est obligé de se précipiter sur le décret d'application pour comprendre à quelle sauce on va être mangé dans les histoires de recours, puisque c'est sous la. C'est-à-dire, c'est intéressant d'ailleurs, Madame Davoine a posé son dossier pour Tournord sous l'ancienne loi, mais le recours, lui, va se faire sous la nouvelle. Donc, il faut discuter de savoir quels sont les critères, quels sont les trucs. Bon. Mais c'est très intéressant de voir que la loi Pinel, contrairement à la crainte qu'ont beaucoup d'exploitants qui ne connaissent pas bien la loi, à qui ça fait peur, parce qu'on passe son temps à s'entendre dire que c'est une loi, c'est vrai d'ailleurs, libérale et compagnie, et que le libéralisme, ça fait peur. Bon. Mais libéralisme n'est pas forcément si effrayant que ça quand on regarde de près, c'est-à-dire que, même si ça paraît paradoxal. De fait, la loi Pinel vient d'introduire un certain nombre de critères supplémentaires dans les règlements liés à l'aménagement commercial. Et de fait, c'est intéressant de dire que la diversité, la proximité, le fait de conserver l'existant, le fait de conserver la possibilité d'avoir une activité novatrice et moderne en matière d'aménagement commercial, hein, c'est global, c'est pas que le cinéma, en centre-ville. Tout ça, c'est des critères qui viennent d'être ajoutés. Voilà. Donc, la diversité, c'est le mot-clé, en fait. Hein. Et de fait, là, au moins, vous, ça correspond à ce que vous voulez faire. Cette diversité n'est pas rentable, mais c'est une diversité, de fait. Et la loi vous protégera là-dessus. Donc ça, c'est clair. Bon. Ensuite, le fait que vous vouliez être RSA, c'est parce que ça correspond à votre ligne éditoriale et à ce que vous souhaitez présenter, je vais dire, les usagers, pour continuer dans le mode juridique, hein, aux usagers. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que là où on est d'accord avec la loi, nous, tous, ici, c'est qu'on est dans l'intérêt des usagers et dans l'intérêt des œuvres. Voilà, le double intérêt qui se rejoint, c'est ça. Et donc, votre travail, c'est ça. Bon. Alors ensuite, la vraie question, c'est plutôt, quel type d'engagement peut-on demander? Parce qu'effectivement, ça a été un énorme pas de pouvoir obtenir du Centre National du Cinéma, de l'État, d'une manière générale, dans le cadre des recours qui sont potentiellement jouer au niveau national chaque fois qu'il y a des autorisations consenties au niveau départemental, les possibilités de recours au national, ont introduit la possibilité récemment de dire, eh bien écoutez, le national va donc trancher, hein, c'est lui qui va décider, qui va arbitrer, ça a toujours été vrai, mais ça veut dire, il y a une autorisation contre laquelle on n'est pas d'accord, on va au recours, et à ce moment-là, la commission nationale peut dire, écoutez, l'autorisation, en effet, ça pose un problème. Donc c'est soit on refuse, soit on accepte parce qu'il y a objectivement des raisons pour dire qu'il faut un multiplex. C'est le cas de Tournord, ce n'était pas le cas de Poitiers, par exemple. Où là, il y avait largement de quoi retoquer. D'ailleurs, il avait été 3 fois de suite quand même. C'était la 4e, c'est quand même passé pour d'autres raisons. Mais bon, voilà. Donc là, tout d'un coup, vous avez une commission nationale qui va dire à la fois En effet, l'autorisation, on comprend bien qu'à Tournord, il y a une population, il faut aménager, il y a toutes les raisons que vous avez vous-même exposées tout à fait clairement et qui sont tout à fait recevables, évidemment, du point de vue des élus. Et en même temps, il y a cette question de diversité. On ne peut pas mettre en péril la question de la diversité. Donc nous, la Commission nationale, on va décider désormais, et c'est vrai, c'est maintenant, c'est vrai, que c'est conditionné l'ouverture. Et vous allez devoir, vous qui ouvrez un multiplex, vous allez devoir en effet prendre un engagement de programmation vis-à-vis de la salle d'arrêt d'essai ou des salles d'arrêt d'essai, quand il y en a plusieurs, parce qu'évidemment, ce n'est pas qu'à tout l'histoire. Bon. Et de fait, il a raison, Philippe, les engagements comme cela, il n'y en a pas eu de prix. Il y a eu beaucoup de... Ces dernières années, il y a eu beaucoup de phrases qui ont été prononcées à des détours de PV. La médiatrice elle-même me l'a confirmé, parce que j'étais là, les gens me disaient, mais si, il y a des gens, je t'assure, à Saint-Étienne, ils ont pris un engagement de programmation, d'Avoine précisément, Madame d'Avoine a pris un engagement de programmation à Saint-Étienne, elle a déjà pris un, il faut que tu regardes. Je dis, mais attends, je regarde, je suis désolée, aujourd'hui, c'est publié, ces actes-là, je ne les trouve pas, et si je ne les trouve pas, c'est qu'ils n'existent pas. Donc, je suis allée voir la médiatrice, en disant, écoutez, Madame la médiatrice, s'il vous plaît, faites quelque chose. S'il existe des engagements déjà, montrez-les-moi, parce que moi, je veux voir à quoi ils ressemblent. Et elle me dit, Madame Bayard, je vais vous dire une chose. On nous parle beaucoup d'engagement, on nous dit qu'ils existent, et pour ma part, je ne les ai jamais vus. Voilà. Donc, ça a été ça pendant plusieurs années. Et quand, donc, l'année dernière, cette question-là, je la lui posais parce que j'étais très inquiète pour vous, et que je voulais voir à quoi ressemblait un engagement de Mme Davoine à Saint-Étienne, du coup, hein, et que je voyais bien qu'il n'y en avait pas, elle me dit non, le seul engagement que je connaisse qui a été signé, c'est vous-même qui l'avez fait signer sur Poitiers. Je dis d'accord. Donc, le premier engagement réel, quantifié, clarifier avec des définitions, avec poser des échéanciers, tout un tas de choses qui sont décrites, c'est nous qui l'avions mis en place à Poitiers. Sauf que Poitiers, c'est un cas de figure d'abord extrêmement particulier. On passe, parce que là, ça prendrait trop de temps, et on y sera encore à 2h du matin et vous n'auriez même pas commencé à poser des questions. Donc, non, mais c'est un cas très très très particulier, et surtout, la vraie question, c'est que la salle à essai ou les deux salles à essai qui sont concernées sont dans des systèmes d'établissements qui sont beaucoup plus petits que le vôtre. C'est-à-dire qu'il y a un établissement de 3 écrans et un établissement d'un seul écran. Et quand on est dans des villes de cette taille-là, avec des établissements aussi petits, on n'a pas les mêmes besoins que vous. Autrement dit, face à la même offre chaque année de 50 films porteurs à essai, on n'a pas besoin des 50. On a besoin de seulement une vingtaine pour ce qui concerne celui qui a 3 écrans, et même à peine 8 ou 9, pour celui, et avec ça, on arrive à équilibrer. On a une masse salariale beaucoup moins forte, un système de fluide pour des bâtiments beaucoup plus petits, et donc on passe moins de films nécessairement, donc il y a moins de frais pour engager la programmation. Bref, on n'a pas besoin de tout ça. Donc du coup, la marge de manœuvre est beaucoup plus simple, et l'engagement qui a été signé est beaucoup plus simple à trouver. Là, la question, c'est de demander à Madame d'Avoine de s'engager sur tous les films porteurs, car à un film près, vous êtes dans la merde, à chaque fois. Voilà. Donc c'est ça la vraie question, c'est d'arriver à lui faire dire ça, et surtout, elle a un deuxième problème, Madame d'Avoine, et nous avec, c'est qu'il y a CGR. À Poitiers, il n'y a que CGR. Donc quand on dit à CGR, tu prends un engagement, ça, en plus on l'a coincé, excusez-moi, mais ça s'est retrouvé comme ça. À un moment donné, à moi, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, écoutez, voilà ce qu'on veut. Il a dit, bon, alors on va discuter, mais je lui ai dit, voilà, c'est ça. Je lui ai dit, sinon, moi, je continue de faire recours et vous continuerez de perdre à chaque fois. Il dit, j'ai compris. On va discuter, puis on va trouver une solution. Et on a trouvé une solution. Et on a trouvé une solution, pas seulement sur le multiplex qu'il allait créer, mais on a trouvé une solution sur la totalité de ses établissements. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris un engagement vis-à-vis des deux salles d'arrêt d'essai, non seulement pour le nouveau multiplex de Buxerolles, mais aussi pour celui de Fontaine-le-Comte et également pour celui de Centre-Ville. Donc, du coup, on avait un seul bonhomme en face de nous à qui on a fait signer un papier pour tout, alors qu'il n'ouvrait qu'un seul bâtiment de plus. Voilà. Donc, un bâtiment qui ouvrait nous a permis de gérer tout. Mais là, on ne peut pas. On n'a aucune barre. Personne n'a aucune barre. Même pas le Centre national du cinéma sur CGR, qui continue d'être chez lui et qui fait bien ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est d'aller demander à Mme d'Avoine de renoncer à passer certains films pendant que CGR, lui, va se gaver dans le truc. Bon, c'est ça la question. Donc c'est très complexe, mais on va y arriver. Si, on va y arriver, parce qu'à Orléans, à Rouen, par contre, on est dans une situation concurrentielle extrême. avec là cette fois-ci, je vous l'avais compris, hein, plus il y a d'opérateurs, plus il y a d'établissements, plus c'est compliqué, plus il y a d'écrans, plus c'est plus compliqué, et plus en plus, quand il y a plein d'opérateurs, ça se complique encore davantage. Bon, alors à Orléans, on a la totale, enfin la pire des villes, la pire des villes pour moi c'est Nantes, mais c'est quand même, à Rouen c'est pas mal, il y a Pathé, UGC, Gaumont, et puis ensuite il y avait Melville, bon, qui a fermé, et puis maintenant il y a Lumière. Bon. Et en fait, là-bas, personne n'ouvre de cinéma, c'est fait depuis longtemps. Donc il n'y a pas de possibilité avec cette nouvelle règle là, du national, on n'a aucune barre sur personne. Donc là, on est dans la merde au départ. C'est-à-dire, voilà, on a une salle de cinéma à essai qui se retrouve à chaque fois à devoir soit ne pas avoir du tout accès au film à essai porteur dont elle a pourtant complètement besoin, soit d'y avoir accès, mais en 4. Et à chaque fois qu'on passe en 4, ça divise par 4 le nombre d'entrées, et donc la différence, elle est de 250 000 entrées par an, je vous l'ai dit. Donc on ne peut pas équilibrer, donc on est obligé de fermer. Et bien figurez-vous qu'on y est arrivé quand même. Voilà, on y est arrivé quand même, on est en train d'y arriver, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué le même raisonnement que celui qu'on joue aussi ici, c'est-à-dire qu'on part du principe que le médiateur du cinéma, enfin qui est une femme en l'occurrence actuellement, la médiatrice du cinéma elle-même a une forme de nouvelle philosophie, on va dire, qui consiste, avec l'arrivée du numérique, à enfoncer le clou en permanence de « mais enfin, vous n'allez pas ». Quand même, vous, les distributeurs, continuez comme ça jusqu'à la Saint-Guinglain à multiplier le nombre de points de diffusion sous prétexte que vous pouvez le faire techniquement et que ça ne vous coûte rien. C'est d'un point de vue global de stratégie, ce n'est pas une stratégie, c'est rien du tout, ça. À un moment donné, vous devez avoir une stratégie. Et votre stratégie ne peut pas être dans la dilution de copie. C'est sa propre expression que je reprends. Et donc, elle ne veut pas qu'il y ait dilution de copie et elle est en train, progressivement, d'arriver à proposer le fait que quand on disait il y a 4 copies pour un film comme ça, ce film-là n'a même pas 4 millions dans les pattes, eh bien, ce film-là ne mérite pas d'avoir 4 points de diffusion différents dans la ville en question. Donc, vous, monsieur le distributeur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous dites tout le temps que oui, vous êtes contre la dilution de copie et pourquoi c'est ce que vous êtes en train de faire? Alors, elle obtient dans un premier temps ce genre de choses. Et dans un deuxième temps, il arrive immanquablement le moment où vous avez des distributeurs, par exemple comme Wild Bunch, qui distribue des films comme Heure, vous avez vu, celui-là, et qui dit à un moment donné, eh bien d'accord, je suis d'accord avec cette idée de ne pas diluer les copies, c'est mieux. Je n'en mettrai donc que 2. Mais je sais que le film est à essai, mais je vais quand même aller ailleurs que sur la essai, et donc l'OMIA l'aura pas pour autant. Donc là, arrive le moment où moi je dis, attendez, c'est une salle spécialisée, elle n'a la possibilité d'avoir accès qu'à 50 de ces films-là, car elle a, comme vous, une déontologie, elle a des raisons de ne pas aller sur des films porteurs non à essai, juste parce que pendant ce temps-là, elle a besoin aussi de montrer les autres films, de toute façon, elle n'a pas assez de place, tout ça. Donc bref, elle a toutes les raisons du monde pour avoir absolument besoin de ces films-là, et vous ne pouvez pas écarter une salle spécialisée de son cœur de programmation. Et là, la médiatrice me dit, juridiquement, je ne sais pas comment je fais. Je comprends ce que vous dites, Madame Bayache, mais je ne sais pas comment je fais. Et bien, je ne sais pas comment elle a fait non plus, mais elle est arrivée. C'est-à-dire que Wild Bunch, depuis quelques temps, bien qu'ayant dit ça, bien qu'ayant filé HER, qui était un film à essai, à Gaumont et Pathé, a fini depuis, avec d'autres films, par continuer de mettre que 2 copies, là où hier il en mettait 4, et a cessé de priver l'OMIA, qui est l'équivalent des studios, de sa copie. Donc actuellement, est en train d'arriver dans les têtes l'idée que quand on est sur un film à essai, par rapport à une salle qui est spécialisée, elle doit l'avoir, et le partage de l'autre copie se fait entre les multiplexes qui sont en face, qui certes peuvent y avoir accès, mais pas de façon démesurée. Voilà. Car ils ont l'autre marché pour eux. Quoi. Voilà, c'est ça le principe. Merci. C'est ça ce qu'il faut faire demain. On va essayer de prendre quand même quelques questions, quelques remarques de la salle, si vous en avez. Monsieur... Le seuil de rentabilité pour les studios, et quelle est la fréquentation annuelle? Le seuil d'équilibre. Oui. Excusez-moi. La fréquentation annuelle est combien pour les studios? Alors, elle est environ 352 000 l'année dernière. L'année d'avant, on avait fait une très bonne année à 360 000. On n'est pour autant pas à l'équilibre quand même, mais bon, ça fluctue selon les années. Enfin, cela dit, pour l'instant, les finances des studios sont saines. D'accord, mais enfin, la limite est fragile. Oui, c'est la limite est fragile. Oui. D'autre part, je voulais avoir une question sur le prix des billets, parce qu'au studio, le prix des billets est faible. Et est-ce que les distributeurs n'ont pas intérêt à faire distribuer leurs films dans des salles où les prix des billets sont plus chers et donc ils peuvent avoir plus de profit? Bien sûr, c'est effectivement une des raisons, cet élément-là entre dans la négociation, et c'est effectivement notre tarif qui fait que c'est moins intéressant pour un distributeur de passer son film chez nous. Que dans un multiplex, ça va lui rapporter beaucoup plus. Mais bon, ben ça, c'est dans nos tarifs sont calculés. Enfin, chaque année. Dans la moyenne, hein, c'est ça, le temps de cinéma à RSF. Il y a un prix moyen à RSF. Oui, je parle par rapport aux gros distributeurs. Alors, on est oui, mais pareil, pour les films porteurs à RSF, parce qu'après, vous savez, quand il y a un film porteur, le prix moyen de place augmente pour ce film-là. Tout ça confondu, le prix moyen en France, il est autour de 6,70. Ça, c'est tout compris. Tout est ça confondu. Ça. Uniquement les indépendants, ça la recette, il est de 5,70, un euro de moins. Et nous, on est même en dessous de 5. C'est-à-dire qu'on est parmi les moins chers. Il y a des gens qui sont beaucoup moins chers que vous. Il y a encore des gens moins chers que vous, mais on est quand même dans la cinématographe, ils sont à 3,50. Voilà. 3,50 la cinématographe à Nantes. Non. Non, oui, mais c'est pas si. Oui, mais ça, c'est une moyenne. Quand le film est porteur, le public qui vient, tout d'un coup, c'est aussi le public qui paye les parabonnés. Et du coup, le prix moyen de ce film-là remonte quand même, de façon significative. C'est ma question. Les grosses chaînes ont une politique assez offensive en termes de promotion, entre guillemets, notamment les opérations, les trois opérations annuelles, le printemps du cinéma, la rentrée du cinéma, la fête du cinéma, où c'est pendant 4 jours tous les films à 3,50 €. Effectivement, ça leur fait baisser. Il y a le partenariat aussi avec Orange, des salles où deux personnes vont avoir payé qu'un seul billet. Ben, toutes ces opérations-là font que parfois même les salles des multiplex, CGR, ça va être plus intéressant. Pour les étudiants, notamment, d'aller à CGR que chez nous, malgré notre politique tarifaire. Je vois qu'il y a des autres. C'est votre cas? Oui, oui, mais parce que nous, on a refusé ce partenariat avec Orange. Donc moi, ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Je représente un cinéma à Château-Renaud. C'est un petit cinéma, le Balzac, mono-écran. Et on est dans les 20 km de votre cercle. Donc on est très inquiet parce qu'on a donc un label ARS, mais on ne fait pas que de l'ARS. On est donc tributaire de tous les grands films, des films ARS porteurs, mais aussi des films commerciaux porteurs. Donc c'est vrai que nous sommes très très inquiets par rapport à cette ouverture. Vous êtes ADRC quand même? Oui, oui, oui, oui. Ça vous protège? Oui, j'espère. Ça nous protège pour avoir les copies. Oui, mais pas toutes les copies. Hein? C'est quoi le film? C'est... Hein? Pas les gros, pas les... Ah bah si, la DRC, c'est d'abord ça. Ah bah non, il y a des... Bah si, tous les films ne passent pas. Dans la ville, la DRC, la salle, la DRC. La salle, la DRC. La salle demande ce qu'il y a la DRC. Oui, mais la DRC ne fait pas toutes les copies. Question bête, le sigle, c'est quoi, ADRC? C'est l'Association pour le développement régional du cinéma. Et c'est un système qui, dans les années, c'est très important, dans les années 75-80, voilà, au moment où les complexes se sont construits, les salles rurales ont périclité les unes après les autres, et l'ADRC a été créée pour convaincre les municipalités de racheter les salles et de faire en sorte que le milieu rural... Voilà. On a une subvention, mais on est quand même très déçus. On est tout là pour faire des bénéfices pour fonctionner. Oui, je voulais également aller dans le même sens, en sachant qu'il y a aussi des spectateurs en milieu rural, que des villes comme Château-Renaud ou Signeurs, que je représente, qui fait du cinéma dans 30 communes en Indre-et-Loire, dans la Sarthe et dans l'Indre, sont aussi menacés de péril, puisque les spectateurs qui iront faire leur course à Auchan iront chez Davoine. Donc il n'y a pas que les cinémas indépendants studios qui sont en danger, il y a tous les cinémas indépendants. Puisqu'il faut savoir aussi que des gens comme CGM ou d'Avoine, le cinéma est un produit d'appel pour vendre de la confiserie. Il faut savoir qu'à CGR, les directeurs ont des primes sur la vente de confiserie, non pas sur la vente de billets. On ne fait pas le même métier. On est aussi associatif. On est subventionné à hauteur de 20% par la région, le département, pour que les gens aient du cinéma de proximité, récent, près de chez eux. Effectivement, comme Château-Renaud, est aussi fortement impacté par l'arrivée de marchands de soupe et de pop-corn, de soupe cinématographique, je crois. Il y avait une question par là. Moi, je suis salarié au studio, donc je m'occupe de la bibliothèque. C'est le poste qui est menacé, dont vous parlez le président. Mais enfin, ce que je pense, au-delà de cet enjeu-là, qui n'est plus individuel ou personnel, c'est l'enjeu qui est sur la diversité. Enfin, ce que nommaient tout à l'heure les uns et les autres, la diversité, c'est le fait qu'en France, on est encore dans un pays qui est, où... la cinématographie française ou d'autres pays est plus protégée qu'ailleurs. Dans bien d'autres pays, le cinéma états-unien occupe 86%, 90% des écrans. Donc c'est cette diversité-là. Et d'autant plus quand on est en période de crise, le premier budget que les élus commencent à saper, c'est celui de la culture. Alors, vous ajoutez à ça donc, le 7 janvier, plus la crise, plus... des scores énormes du Front National, ce manque de culture, le fait de ne pas pouvoir Timbuktu sur un écran, c'est toute cette... c'est là où j'interrogerais, moi, le géographe, dans le sens où, certes, on crée du dynamisme par un lieu commercial, etc., mais qu'est-ce qu'on met dedans, derrière? Est-ce que ces dynamismes-là, il ne faudra pas construire aussi des murs pour se socio-cloîtrer, pour éviter la peur de l'autre, etc. À partir du moment où il n'y a plus de culture, il n'y a plus de diversité, il n'y a plus ces éléments-là qui nous ouvrent les yeux, qui nous ouvrent notre regard, comment fait-on? Et c'est, à mon avis, l'enjeu, au-delà du côté professionnel dont on a pu entendre parler ce soir, c'est comment on vit ensemble. Et se vivre ensemble, j'ai adoré le propos du premier intervenant, c'est à mon avis, c'est là où se trouve l'enjeu pour un géographe ou pour quelqu'un qui pense à la société. Ils sont bien, nos salariés. Des réponses tout de suite. Non, pas de réponse particulière. Effectivement, je ne peux qu'encourager la diversité. Si ce n'est peut-être que... Non, rien de particulier. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne suis pas contre forcément qu'il y ait des films commerciaux. Je veux dire, certains peuvent apprécier ces films commerciaux, mais il ne faut pas forcément les rejeter. Mais il faut absolument qu'il y ait des autres. Je veux dire, effectivement, vous citiez tout à l'heure les chiffres. Effectivement, je crois qu'en France, là où pour les films américains, c'est je crois 35% ou 40%. C'est ça, c'est 45%. Alors qu'effectivement, dans d'autres pays comme l'Angleterre, c'est 85%. En Italie, c'est 78%. Donc effectivement, la France a réussi quelque part à sauver un petit peu la diversité culturelle. Et donc, il faut s'en fixer. Ce qui est assez intéressant, parce qu'amusant quelque part, c'est que finalement, je crois que dans les films américains, on est à 45%. Mais je vais regarder, vous me confirmerez si je ne me trompe pas, c'était les mêmes chiffres dans les années 30. Finalement, ça n'a pas changé depuis les années 30. On a réussi à maintenir. On pourrait dire, c'est dommage, on n'a pas réussi à baisser, mais en tout cas, on a réussi à maintenir. Alors ça avait rehaussé, ça avait diminué un petit peu, ça a rehaussé dans les années 80. Et finalement, on réussit toujours à avoir 45%. Et j'étais tombé sur un article d'Historia, de 1982, où la personne se plaignait qu'il y ait trop de films américains, mais 45 pour le film américain, et il commençait son article en disant « Je suis tombé sur un article en 1946 qui disait qu'il y avait déjà trop de films américains. » On se plaignait toujours. Enfin, 45%, c'est pas mal, c'est très bien. Par rapport aux autres, et surtout par rapport aux autres. Oui, je voulais faire juste une petite remarque, sauf erreur de ma part. Il y a dans chaque billet, dans chaque entrée qu'on paye, il y a un pourcentage en fait qui est redistribué après par le CNC aux créateurs indépendants, aux premiers films. Donc en fin de compte, les multiplex, c'est pas un mal absolu. Donc, ils font plus d'entrées, ils font plus de spectateurs, plus de billets achetés, plus de subventions. Après, c'est vrai que il faut aussi avoir des lieux pour les diffuser. Il faut tempérer ce que vous dites parce que cette taxe là dont vous parlez, c'est la taxe spéciale. elle est de 10,72% pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde la paye, hein, même les studios évidemment, et même tout le monde, hein, c'est ça, d'une part, et d'autre part, les multiplex aussi vont reverser de l'argent, eux-mêmes se reperçoivent de l'argent, c'est-à-dire que là aussi, comme tu disais tout à l'heure que CGR allait dépenser 9 millions et qu'il allait 7 millions, enfin Madame Lavoine, elle va quand même récupérer du fonds de soutien, elle aussi, hein, c'est tout le monde touche, bon, donc ça c'est une deuxième chose. La troisième chose, c'est que le cinéma produit en France, ou coproduit en France, parce qu'on coproduit beaucoup aussi. La diversité dont on parlait tout à l'heure, on y est pour beaucoup également. On a un nombre d'accords de coproduction avec le monde entier qui est absolument unique. Personne n'a ça, d'une part. C'est nous qui avons mis ça en place depuis toujours. C'est-à-dire, non seulement on a réussi à faire vivre notre cinéma, nos techniciens, nos acteurs, etc., mais on a aussi surtout contribué à ce que le cinéma allemand, italien notamment, belge pendant tout un temps, et anglais, américain, un peu pas américain, enfin indépendant un peu, et puis surtout, et puis même coréen, chinois, tout ça, c'est nous qui coproduisons tous les films de tous ces gens-là, beaucoup, beaucoup plus que la moyenne. Bon, donc ça, c'est avec ce fonds de soutien, donc c'est surtout ça, et ce qu'il faut dire, c'est que même les grosses machinerie française, les gros films français touchent du fonds de soutien dans absolument les mêmes proportions. Donc je vais relativiser ce que vous disiez en disant quand même que massivement, proportionnellement, vu les coûts de ces films-là, le fonds de soutien généré par les multiplexes finance les gros films que les multiplexes passent. Ça sert surtout à ça, en fait. Hein. Bon, déjà, et d'un. Et de deux aussi, l'autre question, c'est que ce qu'il faut ajouter, c'est que les films, même les plus gros en France, ne rentabilisent. Alors là, je parle cette fois-ci avec le point de vue, non pas des salles, mais le point de vue des films, ne se rentabilisent pas. La plupart d'entre eux. Les très gros films dont vous entendez parler ne réussissent pas à couvrir leurs propres frais. Voilà ce qu'ils ont coûté. Ce qui est quand même, on est quand même dans quelque chose, une espèce de machine qui s'est un peu emballée et où on oublie les points de vue. Pour le risque que vous aviez dit à propos du jeu des distributeurs qui fonctionnent à court terme avec ce cinéma commercial, c'est ce que vous avez dit. En fait, ils sont en train de tirer la planche sur laquelle ils sont en train de ravir. Ils fonctionnent à court terme, mais peu importe ce qui se passera après, il n'y aura plus que des grosses soupes et il n'y aura plus rien d'autre. C'est ça, la Rosine ici, Rosine Guérino, qui est la personne qui est l'interface des distributeurs. Et que je connais depuis des années aussi, vous, et qui à un moment, un jour, je sentais bien, j'étais en train de. Je lui posais des questions sur quelque chose, et je sentais qu'elle n'allait pas très bien. Je suis derrière et dernière. Et là, elle a explosé, et elle a commencé à m'expliquer ça. Elle m'a dit, tu sais, c'est devenu insupportable. C'est-à-dire que tu es en face d'un distributeur indépendant qui défend des films, qui lui-même a un catalogue, la plupart du temps, constitué de films qui ne sont pas des gros films. Il sait bien que demain, à son tour, ça va revenir qu'il y ait des films qui ne marchent pas. Mais là, celui-là, il a décidé qu'il allait marcher. Et il me fait une pression telle que je suis... d'abord, c'est agressif. Ensuite, je ne peux pas. Et quand je lui dis, mais tu sais, si je dis oui à ce que tu dis, ça veut dire que je vais devoir enlever des séances à des films de tes camarades qui sont à ta place, enfin, qui sont aujourd'hui à cette place-là, mais tu seras demain là. Je parle. Et elle me dit, ce qui est épouvantable et ce que je ne supporte plus, c'est qu'ils ne veulent pas l'entendre. C'est ça qui est devenu difficile. Ah, ils sont durs, mais c'est autant. Il y a peut-être d'autres questions, Marc ? On va prendre peut-être des dernières questions. Merci d'abord de la qualité de toutes les interventions. C'était vraiment extraordinaire. J'ai été sensible à ce qui a été dit, là je regarde plutôt les studios, sur le fait que les studios ne soient pas attractifs pour le public jeune, et en termes de prix. Et je trouve ça très embêtant. Très embêtant, et si vous êtes si vous pouvez dans vos réflexions. Prendre en compte cet argument, parce que je pense que c'est un argument qui pourrait aider à un nouveau départ du studio, parce que, et la salle le montre bien, moi je déplore que le studio soit un public qui ne soit pas très dans la diversité, et un public très blanchissant. Voilà. Mais vous pensez que c'est une question de prix? Ben oui, je pense que pour un jeune, le prix est très dissuasif, même si ça coûte cher le studio. Alors, c'est un gros souci. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, le CGR est moins cher. Par moment, hein, pas en permanence. Mais c'est vrai que c'est une de nos préoccupations et nos tarifs. Enfin, on a même une commission qui réfléchit sur comment effectivement attirer, capter les publics. Alors pour le jeune public, ça va jusqu'à 12 ans. Mais c'est effectivement la tranche d'âge de 12. Jusqu'à 23 ans, qui est effectivement, mais pour toutes les structures culturelles d'une manière générale, c'est toujours le public le plus difficile, comment dire, à attirer, parce que d'abord c'est un public qui n'aime pas forcément qu'on lui dise ce qu'il faut qu'il aille voir. Alors sur la question des tarifs, pourtant on essaie de communiquer un maximum, parce que à partir du moment où on est abonné au studio, effectivement, là, nos tarifs sont imbattables, puisque c'est 4 € pour tout le monde jusqu'à 23 ans. À partir du moment où on est abonné à toutes les séances et toute l'année. Je me trompe, Frédéric ? Hein ? Jusqu'à 26 ans. Oui, j'ai dit 23, c'est même jusqu'à 26 ans. Merci, Darryl. Donc, on est quand même... tout ça pour dire que c'est quand même une préoccupation majeure que d'être attractif, et notamment pour les jeunes. Mais c'est vrai que la notion d'abonnement, on est à une époque maintenant où les pratiques changent et les gens n'aiment pas forcément un abonnement. Ça signifie être lié, attaché à une structure, et les gens préfèrent plus leur liberté. Enfin, ça, c'est très difficile à analyser. En tout cas, effectivement, c'est une de nos préoccupations. Aussi bien en termes culturels, qualitatifs de population, qu'en termes de financement. Parce que moi, je pense que même si effectivement il y a un public qui n'aime pas être se sentir attaché par l'abonnement, je pense que quand on prend des habitudes de fréquentation, il est difficile d'en changer. Enfin, c'est ça pour les publics qui vont au CGR. C'est-à-dire après, je pense qu'il sera difficile de les. Voilà. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que nous développons au maximum tout ce qui est vers l'éducation à l'image, parce qu'effectivement c'est une manière pour nous de former notre public de demain. Donc c'est aussi important aussi pour ça. Alors après, le travers, c'est que du coup tous les dispositifs scolaires, les écoles, les collèges majoritairement, viennent chez nous. Donc alors là, bon, après c'est anecdotique, mais c'est vrai que pour les adolescents, venir au studio, ils ont beaucoup plus de chances de rencontrer leurs profs que s'ils vont au CGR. Et donc c'est pas forcément quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et c'est vrai que, bon, après il y a tous les clichés qui circulent aussi sur les studios, et qui sont encore des clichés qui sont cinéma à vélo, cinéma pour les bobos, cinéma pour... Les intellectuels rancent qui coulent les pieds, mais c'est aussi le cinéma des jeunes, parce que par exemple, quand on voit à la nuit des studios, par exemple, le public est extrêmement jeune. Et là, depuis quelques années, la tendance s'inverse un peu et on redevient le cinéma des jeunes. Voilà. C'est sûr qu'il ne faut pas venir aux séances de 14h dans la semaine. Hein. Alors, ce sera peut-être la toute dernière, les deux peut-être dernières remarques. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir qu'il y a quand même un partenaire important du cinéma qui pour le moment n'a pas été évoqué, c'est celui des, enfin, c'est le public. Quelles sont les pratiques culturelles du public? Et là, moi, ça c'est quelque chose qui m'a frappé en arrivant à Tours, parce que j'ai tout de suite couru au studio et j'ai une passion pour le cinéma. Et j'ai tout de suite constaté qu'en majorité, les gens qui fréquentaient les studios, en plus, comme j'étais bénévole aux entrées, je pouvais faire des statistiques rapides, ils avaient tous mon âge ou à peu près. Donc qu'est-ce que c'est que cette grande désaffection? Je ne pense pas qu'elle soit vis-à-vis des studios en particulier ou du cinéma en général, mais c'est parce qu'ils ont une autre façon de consommer l'image. Donc, à mon avis, quelles que soient les structures, mais peut-être les studios en particulier, il faut vraiment se pencher là-dessus, parce que il est là aussi l'avenir. C'est quand même le public de demain, les jeunes. Il y a ça qui arrive, hein. Quand on est... Oui, dernière remarque, je crois. On n'a pas parlé, juste pour terminer là-dessus, de la façon culturelle d'envisager les choses. Et Bertrand Tavernier, qui est un fan des studios, puisqu'à chaque fois qu'il en a l'occasion, il vient nous voir et fait de longues citations. Et anecdotiquement, il y a deux choses qu'il dit. À propos de l'économie de la culture, il dit, mais ici Victor Hugo qui disait, mais on éclaire bien les places publiques, on éclaire bien les rues, on éclaire bien les places. Pourquoi ne dépense-t-on pas de l'argent pour éclairer les esprits? On a droit à presque à chaque fois qu'il vient, mais c'est tellement vrai et tellement juste. Et puis il cite d'autre part ce qui s'est passé quand il a tourné la part, et où, avec l'auteur du livre, puisque c'était un livre avant d'être un film, il expliquait qu'il avait rencontré en prison quelqu'un qui était responsable de... l'auteur ou qui avait fait quelque chose qui était en rapport avec le sujet qu'il allait traiter dans l'APA, et il expliquait qu'il avait mis du temps en prison, ce jeune, à lire Crime et Châtiment, et que s'il l'avait lu avant, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Merci. Alors, du coup, on est un peu contraint par le temps, donc s'il y a encore des échanges, des remarques, ce sera... Je suis désolé, on a quand même un petit moment pour pouvoir grignoter... profiter des boissons et puis continuer à échanger aussi. Donc on va remercier nos trois intervenants d'être venus ce soir et nous avoir présenté tout ça et nourri le débat. Merci beaucoup.